Hey, l'amener à bière. Ben là, on joue là, c'est sérieux. Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Finish him! Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous écoutez Puissance Maximale. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale. Listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Oh oui, on est samedi pour un puissance nano. Là, vous allez vous dire, pourquoi samedi? Ben parce que j'étais malade. Fait que je l'ai pas fait mardi. Puis en même temps, je voulais avoir des sujets pour parler ce soir. Donc, c'est moi, votre animateur, Andrew, pour le puissance nano de ce 17 décembre. Oui, je suis tellement assidu sur les dates. Là, vous en remarquerez qu'il y a du monde autour de moi parce qu'on fait un spécial Noël! Woo! Et donc, on a plein de monde et on est, regarde, on est même thématique, on a un sapin. Là, si vous écoutez ça en audio, vous ne voyez pas le sapin, mais croyez-moi sur parole, il y a un sapin. Vous allez voir en vidéo. Et les belles voix que vous entendez à côté de moi, ben en fait, c'est des gens de Noir Magnétique qui vont parler avec nous. Et on a Sarah et Eric, ça va bien? Oui, très bien. Bonsoir à toi. Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, c'est Véronique là, qui a fait ça, telle une agence de rencontre. Elle a dit... On ne le voit pas. On ne le voit pas en tout, Véro. En passant, merci Véronique de nous prêter ta cuisine là, pour notre petit studio temporaire pour le temps d'une émission. Et également, là, nous avoir prêté là, un ordinateur que lui marche. Je fais mention, c'est mon commentaire. D'ailleurs, j'accepte tout don pour me permettre d'acheter un nouvel ordinateur. Donc, elle veut au Père Noël. Ben oui, c'est ça. Donner ton MacBook Air, si tu veux. Hein? Non, je vais le garder pareil. C'est juste que je veux un autre ordinateur là, avec Windows. Là, ça irait bien. Tu peux pas installer Windows sur ton MacBook? J'ai déjà essayé. C'était pas yob. Mais en tout cas, tout ça pour dire, grosse émission, en fait, là, qu'on a à faire là, cette semaine. Ben, cette semaine. Parce que c'est l'émission de l'hebdomadaire, mais on est samedi, c'est la fin de la semaine. Mais tout ça pour dire, grosse émission, parce qu'on va parler non seulement de Noir Magnétique, projet d'archivage de la culture geek des années 80-90, donc c'est quand même très cool. On va parler de ça plus en détail tantôt. Bien sûr. D'ailleurs, émission spéciale de Noël implique suggestion de cadeaux de Noël. Donc, la suggestion de cadeaux, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a les miens, il y a aussi également Eric et Sarah qui ont fait des suggestions. Il y a également Véronique et André, normalement, là, qui ont des suggestions. Et en plus, on a fait un travail d'équipe. On a Christian Hamel, des informateurs, qui a fait une petite capsule audio, nous dire qu'est-ce que lui aimerait avoir pour Noël. On a également les Furieux Frangins avec 17 Avenue des Pins, qui ont fait une petite capsule pour suggérer des choses. Je leur ai dit quelques affaires, ils ont fait une capsule de 10 minutes. C'est pas grave, ils étaient en feu. Fait qu'on va leur laisser leurs 10 minutes. Et on a un invité mystère qui a fait une capsule également pour ses sujets. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'il veut se faire donner pour cadeau également. Là. Fait que, en fait, le monde n'a pas tout compris, mais t'es bon, c'est correct. S'ils veulent l'avoir pour cadeau, ça reste une suggestion pareille. C'est pas parce que les autres ils veulent l'avoir que c'est les seules personnes sur Terre qui peuvent être éligibles à avoir ce cadeau-là. Là. En tout cas, à mon opinion. Là. Moi, j'aime le mot éligible. Ben oui, éligible. Fois, tu sois éligible. Ben oui, c'est ça. T'es, mettons, exemple, tu là, ton cadeau, en fait. Que tu veux une copie de Final 15, mais mérite. T'as-tu joué les 14 autres avant? Non, ben tout bad. Tape-toi les autres avant, après ça, tape-toi le 15. Le fait comme Eric et jouer les jeux dans leur série à l'envers. Ou les commencer puis jamais finir. T'es as toutes, t'es as jamais fini. Mais sinon, comme à notre habitude, avant d'aller en entrevue là, avec Sarah et Eric, on va aller en une petite pause musicale. Question que là, je viens de prendre du sirop contre la toux, j'ai vraiment un goût dégueulasse dans la bouche. Fait que je vais prendre une gorgée d'eau avant l'entrevue. Fait qu'on va aller en petite musique. En fait, je tiens déjà à m'excuser d'une chose. J'ai fait une sélection musicale, j'ai pris 4 tunes parce qu'on a beaucoup de choses à parler, ouais. Fait que je suis pas mal sûr qu'on passera pas à travers. Je me suis dit, je vais au moins me forcer, je vais trouver des chansons de Noël à thématique geek. Finalement, j'ai pris 2 tunes identiques, mais interprétées différemment. Fait que vous m'excuserez. Puis finalement, il y en a une qui est très geek et l'autre qui l'est pas pantoute, en fait. Fait que t'sais, c'est au moins on a 2 tunes de Noël. On était avertis. Donc vous êtes avertis. Mais on va commencer par celle-là qui est geek, qui est All I Want for Christmas. C'est une parodie de cette chanson-là de Mariah Carey. Okay. Sauf que par exemple, c'est All I Want for Christmas is Games. Quand même. Ouais. Petite chanson thématique là, de Noël. Donc, on va envoyer ça dans vos oreilles sur les ondes de puissance maximale et on revient là, avec Noir Magnétique. Vous dire qu'est-ce que c'est ça? Ça mange quoi en hiver? Puis, est-ce que je peux recevoir ça pour Noël? Donc, on va parler de ça en revenant de la pause. Donc, All I Want for Christmas is Game dans vos oreilles sur les ondes de www.puissancemaximale.com. I don't want new toys for Christmas. I don't need a new TV. I don't need these giant presents underneath the Christmas tree. Oh, take back all these brand new clothes. I've got my PS4 at home. What more can I say? All I want for Christmas is games. No, really, I just want games. I don't want new toys for Christmas or tickets to my favorite team. I don't need these giant presents underneath the Christmas tree. Grand Theft Auto, Far Cry 4, FIFA and Assassin's Creed. Santa, won't you make me happy? Give me all the games I need. So take back all these brand new clothes. I've got my Xbox One at home. What more can I say? All I want for Christmas. Christmas, no TV shows or DVDs. I won't even ask for money. Santa, won't you listen, please? I don't need skis or fancy sweaters. I couldn't care less if it snows. I'm gonna be inside all winter if I get what I'm asking for. So take back all the brand new clothes. I've got a good PC at home. Can I say all I want for Christmas is games? It's all I want, it's all I want. The brand new Call of Duty is calling out. Eh ben, ça va être super bien parce qu'au Québec, j'ai vu qu'il y avait de la poutine. Et oui, de retour. J'ai juste démuté un micro, j'ai de la jambon. Oui, donc, de retour. Donc, après une pause musicale un petit peu plus longue que prévu, parce que on est supposé de diffuser en direct sur le vidéo. On a des petits popins techniques. Et oui, je prends cet accent parce que j'ai une halse dans la bouche. Et de deux, parce que c'est toujours l'accent que je prends quand on a des problèmes en direct. Comprenez-vous? Fait que. Et je suis pas content parce que je suis pas tout seul à qui que ça arrive. Fait que pour une fois, en direct, puissance maximale, je suis pas le seul! Mais bon, tout ça pour dire que courage, Eric, on t'encourage. Fait que. Ben oui, au pire, allez, ça sera plus tard, la vidéo, c'est tout. Là. Puis au pire, allez, le monde, ils vont faire comme « Ah, Ducky TV, on peut voir des choses. » Puis au pire, allez, il va tomber en ligne, si on sait pas comment. Puis tout le monde va le voir, c'est tout. De toute façon, on archive les trucs sur notre page Facebook. Ben oui. Même une fois le direct passé, c'est encore là. Ben oui, puis même si on n'est pas dans les années 80, c'est encore bon pareil. Toujours bon, là, ben oui, le rétro. Ben oui, exactement. Donc, en fait, on va commencer notre entrevue, en fait, sur Noir Magnétique. Donc, premièrement, ben, si vous n'avez pas compris, puis si vous venez d'arriver, vous n'avez pas entendu l'intro, ben, Noir Magnétique, c'est Sarah et Eric qui sont présentement à ma droite. Bon, premièrement, bonsoir. Bonsoir, Andrew. Merci d'être venu à l'émission, comme je disais un petit peu plus tôt. En fait, on va recommencer quelque chose de bien, bien simple. Mettons que je ne connais pas le Noir Magnétique. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi que ça mange en hiver? Ben, initialement, les Noirs Magnétiques, c'est un projet qui se consacre surtout à tout ce qui est québécois, mais en termes de publicité, de jeux vidéo, des catalogues, des sujets un peu plus bizarres, comme par exemple un album de Batman et histoire et chansons, par exemple, qui est québécois, mais en fait qui... Nanar à l'os. Nanar qui veut dire quelque chose qui est tellement mauvais que ça en est bon. Des concours de boîtes avec des boîtes de céréales avec des jeux par rapport aux jeux vidéo, évidemment, mais tout ce qui touche québécois, finalement. Je me rappelle... Un secours, on peut avoir une copie du très excellent jeu Monopoly dans une boîte de céréales. Ça, ah oui. Ben ça, on remonte ça il y a à peu près quoi, 15-16 ans. Il y a 20 ans environ. Mais c'était surtout par rapport aux années 70, 80, 90, les publicités, autant vidéo, papier, donc les magazines aussi par rapport à l'informatique, aux jeux vidéo, aux jouets. Donc, ça touche vraiment ça, là, actuellement. Puis, on touche aussi un petit peu côté cinéma, mais avec cette thématique-là aussi, tout ce qui touche québécois. Donc, parce qu'on est quand même, au Québec, on est une population de 7 millions. En Amérique du Nord, c'est pas beaucoup. Et pour que les compagnies traduisent leur publicité pour un marché québécois, c'est quand même pas mal. Effectivement. T'sais, déjà, c'est assez fort. Alors, c'est ça qu'on va chercher présentement. Mais d'ailleurs, il faut souligner une chose, c'est qu'à travers les années, les publicités à la télé pour les jeux vidéo, en général, c'était des publicités traduites de l'américain. Mais il y a deux exceptions qu'on connaît. Intellivision, au début des années 80, avait fait appel à un des deux frères Letourneau, qui était Yves ou Jacques Letourneau, je ne me souviens pas lequel des deux, pour faire les publicités en français, les refilmer avec lui comme porte-parole. Et on a eu plus tard, au début des années 90, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle l'acteur? Jean Coutu? Non, pour Nintendo. Brouillette, Robert Brouillette. Robert Brouillette, c'est ça qui a fait quelques annonces de Nintendo à la télé. Il n'était pas porte-parole pour Nintendo, mais il a quand même fait comme 3 ou 4 publicités. Il a un record de nombre de publicités faites pour une compagnie, et c'est lui, tu sais, en Amérique du Nord. Et c'est ça. Il a fait 3 ben pubs. Ce qui est intéressant dans le cas des pubs de Brouillette aussi, c'est que, contrairement à la télévision, c'était vraiment pas des pubs refilmés à partir de l'Amérique. C'est des pubs originales faites au Québec. Donc, il n'y a pas de version américaine ou canadienne anglaise qui existe de ces pubs-là. C'était personnalisé pour notre culture. Oui, avec une tête connue aussi dans ce temps-là. Là. Donc, et aussi, j'aimerais, ça comme une petite plug en même temps, c'est parce que le Noir Magnétique, d'où ça vient ce nom, c'est un nom d'un album de mon groupe fétiche, sans faire de jeu de mots, qui s'appelle Deform. En 2008-2009, il y a un album qui s'appelle Noir Magnétique et c'est de là que j'ai eu l'idée d'avoir ce nom-là et ça fait référence évidemment à la bande magnétique, support qu'on utilisait évidemment pour enregistrer. Le VHS, la cassette audio, le bêta, bien des choses en fait. Et Et le logo, évidemment, fait référence à cette petite cassette. Oui, effectivement, j'ai reconnu la petite cassette des vieux, des vieilles caméras vidéo. Exactement. Lorsqu'on installe la cassette, tu vois le petit logo qui apparaît et c'est ça que j'ai décidé de prendre comme logo. Puis moi, je trouve que c'était vraiment très bien. Ben, et... c'est bien pensé, effectivement, quand on prend... Parce que, tu sais, un des éléments culturels emblématiques au point de vue technologique, justement, quand on pense années 80-90, c'est la cassette. Oui. Sous toutes ses formes. Que ça soit... la cassette VHS, la cassette bêta, la cassette audio, mais même les consoles de jeux, c'était pas une bande magnétique, mais ça, c'est une cartouche. C'était des cassettes. Non, on appelait ça des cassettes, nous autres. C'était des cartouches. C'est mieux des cartouches. Oui, ça s'appelle. Le vrai nom, c'est des cartouches. Oui, mais il faut utiliser cartouches. Oui, mais on appelait ça cassette pareil. Parce que les cassettes, précisément, étaient utilisées comme les cassettes audio pour des supports, les ordinateurs à l'époque. Oh oui. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas le même support en réalité. Je sais, mais peuple ignorant que j'étais. Oui, parce que, comme on dit, c'est mal nommer une chose. Oui, mais donne-moi une chance, je suis né en 88. Là. J'ai appris à jouer au Nintendo ordinaire avant de marcher et de me parler. Là. Dans la nomenclature... Oui, je sais, c'est une cartouche. C'est une cartouche. Arrête de briser mes rêves, Eric! Ah, mes rêves se brisent chaque jour. Hein, OK, d'abord, les cassettes du Commodore, c'est mieux, ça, d'abord? Il y avait des bandes magnétiques. Des bandes magnétiques, oui. Ah. Voilà, tu m'as eu. Et voilà. Voilà! Mais c'est ça. Donc, Noir Magnétique, c'est un projet qui existe depuis plus d'un an. Et on a même aussi un sous-projet qui est les catalogues, parce que avant Internet, c'était quoi? C'est les catalogues. Les catalogues. Je vais en montrer à l'écran ici, là. Catalogue de distribution consommateur. Ah, le distribution consommateur. Donc, on le voit ici, voilà. Non, c'est beau. C'est beau, Véronique. C'est beau. Puis... Pour les gens qui nous écoutent en onde actuellement, il y aura une vidéo en différé que vous pourrez voir, le fameux catalogue. Et chaque jour, on les ramasse. Moi, le pire, lui, que je connais le plus, c'est lui qui est en dessous de ton distribution. Le Sears. Le Sears, cadeau de rêve 97. Ouais. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est justement lui que j'ai le plus feuilleté, le 97. Oui, le 97, c'est la raison pour laquelle, parce qu'on savait que tu avais à peu près... Tu serais dans l'âge pour avoir consulté ce catalogue-là. Et autant que du linge, c'est un gros catalogue. Parce que normalement, Sears ou distribution... En fait, plus Sears, c'est que Sears, l'automne, printemps-été plutôt, c'est que du linge. Il n'y a pas de jouets. Les gros catalogues de Sears, c'est en vente de garage ou dans le marché aux puces. Il faut que tu saches ça, c'est ça. Côté bébelle technologique, là, même joueur en général, là, c'est pas fort. C'est vraiment principalement du linge. Quitte à paraître pervers, le pire dans ça, c'est que je feuilletais ce catalogue-là pour deux choses. Les petites tenues de filles. Exact. Et les jouets. Sais-tu, Andrew, que dans les prisons, dans ce temps-là, c'était ça qui servait de satisfaction? Je suis pas vraiment surpris, en fait. Parce que c'était pas des Playboys, c'était pas des Hustlers ou quoi que ce soit. C'était des catalogues, puis c'était inoffensif pour... Les caméras de l'époque. ça a beaucoup changé en moins de 20 ans, là, tu sais. Mais c'est ça. Alors, c'est un projet qui est de longue date, catalogue, mais ça fait qu'un an qu'on les numérise pour Internet. Oui, c'est ça. Donc, vous faites dans l'archivage, c'est des Depuis 2009, à peu près, là. Donc, avec les cassettes vidéo, on trouve des vieilles pubs de jeux vidéo. L'esthétisme des accessoires d'ordinateur, c'est vraiment beaucoup amélioré avec le temps. Un peu. Oui, les haut-parleurs. Juste la manette, là. Parce que, juste pour vous dire, le monde qui ne voyait pas le vidéo, en fait, je viens de tomber sur une page avec des accessoires. Tu sais, à l'époque où les ordinateurs, c'était des gros écrans cathodiques, là, puis tout était blanc ou beige. Mm-hmm. Il y a une espèce de manette d'ordinateur qui s'appelle le PC Power Pad pour 40$. Que sérieusement, le gars qui a fait l'ergonomie de cette manette-là, s'il avait fait ça aujourd'hui, je pense que ça serait fait fusiller. D'aplomb. À l'aube, comme le veut la tradition. Puis sans oublier le joystick, là, ouf, c'est de toute beauté. Ben c'est ça. C'est la raison pour laquelle on fait ça, on numérise. On choisit une page. La page Facebook, c'est Catalogue Québec. Vous allez nous trouver facilement. Chaque jour, je poste une page ou même deux pages. Je choisis, je regarde au hasard. C'est habituellement axé sur des jouets, des produits technologiques, des trucs geeks, des jeux vidéo. C'est vraiment là-dessus. Évidemment, on peut commencer à scanner les pages de choses de popote. Je veux dire, c'est moins intéressant. Là. Non, mais quoi qu'on a posté des trucs, tu sais, comme... Des fois. Mais c'est ça. Oh. Mais généralement, c'est des jouets. Oh. Des jeux vidéo. Des affaires de Jurassic Park? Oui, en effet. Je me rappelle de ce T-Rex là, je l'avais. En fait, il y a un jouet de Lost World là, pour oui. Jurassic Park 2. C'était un tyrannosaure qui manquait une chunk là, pour mettre le logo de Jurassic Park. Quand tu écrasais les deux jambes, il criait. C'était merveilleux, ça. Ben ça, tu vois, je t'ai rendu déjà trop vieux pour ça. Là, et moi aussi. C'est ça. Écoute, moi, quand Jurassic Park est sorti au cinéma, là, maman, c'est à l'époque où les stations-service donnaient des livres puis des cadeaux. Oui. Puis j'avais toute la collection des petits livres de Jurassic Park. Oui. Puis je les ai plus, je suis triste. Ben, ça se trouve facilement. Tu sais, par exemple, la console PlayStation 1, le modèle 2 de Sega Genesis, par exemple. J'en ai encore des Genesis en même temps, je m'en rappelais même pas. Et oublie pas, ça, c'est les prix de 1995. En 20 ans, c'est pas la valeur d'aujourd'hui, c'est plus cher encore. Donc, 80$ en dollars de 1995, aujourd'hui, c'est quoi? C'est à peu près pas loin de 100$ aujourd'hui. Il existe en ligne un calculateur de la Banque du Canada qui permet de déterminer exactement combien c'est en équivalent d'aujourd'hui. Hey, c'est quand même 419,99$ hein, une PlayStation. Oui. C'était intense. Mm-hmm. C'est comme ça. C'est des trucs de même. Chaque jour, les gens commentent. Un 30$ de rabais là, sur une console, là, ça devait être excitant à l'époque. Oui, très. non, c'était quelque chose, là, surtout. Ben, là. Parce qu'à l'époque, ça, c'est Noël 1995. Mm-hmm. Toys R Us offrait un incroyable 30$ de rabais postal sur un Sega Genesis. Rabais postal était légion dans ce temps-là aussi. Fait que il fallait vraiment remplir le coupon de retour parce que sinon, tu ne recevais pas ton 30$ ou ton 50$, peu importe. Aujourd'hui, les retours postaux sont rares, mais ça existe encore. Hey, s'il y a bien un jeu là, que je suis sûr que son prix à l'époque, tu fais l'inflammation, c'est son prix encore actuel, là, c'est Earthbound. Ah, même c'est moins que son prix actuel. Ben, complet en boîte, c'est encore drôle. Ben, c'est 90, transférant le dollar d'aujourd'hui? 200. Parce que je vous annonce qu'un Earthbound complet en boîte, c'est 400$. C'est ça, je te dis. Puis celui-là, en plus, c'est même pas l'édition avec le guide stratégique. Là. En plus. L'édition avec le guide stratégique, ça vaut encore plus cher que ça. Oui, c'est ça. Andrew est en train de regarder tout ça. Là, puis... Avec un... Wow, c'est Sega Saturn, ça, j'en avais un, ça aussi. Bref. Ouais, c'est ça. Ben, c'est donc, on l'a montré ici, là, en gros. Non, mais la portion la plus glorieuse, c'est l'endo où il y a le Sega de Saturn dessus. C'est bon. Panzer Dragoon dessus, hein? Ah, ça, là, ce jeu-là, là. Panzer Dragoon, là. Quel jeu mémorable, mais il se passe en 20 minutes. Ouais, c'est ça. Mais c'était excellent, par exemple. Moi, j'adorais Panzer Dragoon. Il coûtait cher aussi. Puis on a le Canadian Tire aussi. C'est important, les Canadian Tire, parce que il est à gradué de petit prix. Là-dedans, t'as autant les outils, les fusils, les jouets, les vélos, les trucs de sport, les skis, les habillements. Regarde ça, toi. Ça, c'est en 76-77. C'est ben, vert et orange, ça, hein? Ça, c'est la belle mode, hein? C'est beau, hein? Ben, voilà. Donc, on les ramasse, on en recherche, évidemment. On essaie d'en trouver davantage pour qu'on puisse avoir quand même un bon roulement en termes d'images à fournir. Donc, c'est chaque matin. Chaque matin, entre 7h30 et 8h30, je poste une image. Puis, quand même. Puis là, mettons que le monde sont curieux puis ils veulent voir un peu qu'est-ce qu'il y a déjà d'archivé. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent sur Noir Magnétique sur Facebook ou il faut qu'ils aillent sur... Ben, en fait, c'est que j'ai déjà numérisé des sections de pages de jouets dans certains catalogues. Vous allez sur noirmagnétique.com puis là, il y a catalogue c'est sur Wampoo. En fait, c'est un service de que tu peux feuilleter tes c'est numérique, mais tu as le feeling magazine. Exactement. Donc, vous allez noirmagnétique.com et vous allez voir Wampoo, quelque chose comme ça. Cliquez dessus, puis il y a des sections de catalogues qui ont été numérisés, des sections de jouets, des distributions consommateurs, des feuillets, des choses comme ça. Ça existe déjà. Sinon, sur la page Facebook de Catalogue Québec, il suffit juste de scroller à travers la page Facebook. On n'enlève rien, on garde ce qu'on a scanné, puis on ne poste pas non plus des trucs par rapport entre deux scans. Donc, les gens n'ont pas à défiler pendant 5 minutes pour trouver le prochain scan sur la page. Parfait. Puis en même temps, vous parliez que vous archiviez les publicités. Je présume sur le site également, on peut avoir des publicités vidéo. Vous avez sûrement des liens. C'est sur YouTube, en fait. J'ai 2 comptes YouTube de publicité. Malheureusement, j'ai rien rejeté depuis longtemps, mais j'ai quand même un gros bagage. Le site principal, c'est LadyJ27, LADYJAYE 27. Et l'autre groupe, c'est TV Rétro Québec. Donc, TV, les deux dettes, là. Rétro Québec, QC, en fait. Ben, de toute façon, je vais faire simple. Je vais commencer à poster de la vidéo sur Catalogue Québec, mais qu'à rapport avec les catalogues. Autrement dit, les pubs de jouets, de jeux vidéo, des choses comme ça, ça va être là-dessus. Mais c'est ça. Donc, on va faire ça comme ça parce que ça dynamise un peu plus la page et... On n'est pas des experts en marketing de Facebook, mais on essaie de se débrouiller. On a 422 personnes qui ont aimé la page. C'est sûr qu'on aimerait en avoir davantage. Ça nous motive un peu plus pour en mettre. Ça, c'est là. Les gens vont consulter. Petit train va loin. T'sais. Des fois, je connais des pages qui montent vite, rapidement, puis ils stallent. Tandis que des fois, le monde qui monte plus lentement, il monte plus longtemps aussi. Fait que il faut voir le bon côté de la chose. Mais c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ça, ma page secondaire YouTube, TV Rétro QC. C'est là-dessus que je mets des trucs qui sont un peu moins... C'est pas nécessairement habituellement des pubs, c'est plus, par exemple, j'avais trouvé le téléhoraire à la télé de Canal Famille 3 jours après le début de la station. Donc, on parle du 3 septembre 88. Donc, ça, c'était vraiment intéressant à trouver. Un autre moment donné aussi, j'ai trouvé environ une heure d'enregistrement, probablement accidentel, du Téléguide, la chaîne 2 à Vidéotron, qui date de 95, si je me souviens bien, ou 96. Donc, ça, c'est des genres de trucs. Des fois, on tombe là-dessus sur une cassette vidéo. C'est intéressant à transférer parce que c'est pas quelque chose qui est facilement trouvable. Et c'est certain que Vidéotron, on s'entend qu'ils ont même pas ça dans leurs archives, là. Puis, une question comme ça. Avant, dans le cas que j'ai une grande maison, OK, qui se passe de génération en génération, j'essaie que je fais le ménage dans mon grenier. Puis je trouve des caisses de vieux catalogues et de vieux éléments là, qui pourraient intéresser le noir magnétique. Est-ce qu'il y a moyen de vous contacter? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent de récupérer? Via la page Catalogue Québec, on peut être facilement rejoignable de cette façon-là. En envoyant un message privé, tout simplement. Exactement. Puis ou noirmagnétique.com, il y a déjà les numéros de téléphone en plus qui pourraient nous... Mais l'objectif, c'est que si je vois ça, je vous contacte. Et je ne mets pas ça dans le feu de foyer ou des choses non, comme non, ça. Non, on a sauvé quelques circulaires comme ça. Une circulaire de Steinberg. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Andrew. À tête fin de main, j'ai déjà vu une boutique qui avait encore des traces du lettrage. J'ai fait comme « ouf ». Oui, c'est ça. Puis aussi Provigo. Donc, la même semaine, en mai 1983, c'est un de nos amis qui nous a remis ça, puis il disait que c'était destiné pour l'allumage de feu de foyer. Là. Puis il était en très bel état, en plus, 83, on remonte là. Et donc, on a pu sauver ça. Mais ça se peut même qu'à un moment donné, sur Kijiji, parce que c'est là-dessus que je regarde pour voir s'il n'y a pas des gens qui postent par rapport au catalogue, s'il y en offre. Et on est allé chez la madame, on a trouvé un circulaire, puis apparemment, ça servit d'isolant entre une fenêtre qui était condamnée, mais qui était encore dans son plastique, la circulaire. Donc, elle est restée intacte pendant tout ce temps-là. Fait que depuis 1995, il est en très bel état et tout ça. Donc, on est allé le chercher, puis on était bien contents. Donc, on trouve des affaires vraiment super le fun. C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de recherches. Ça se fait pas en claquant des doigts. Des trucs, ça nous prend quoi, 2 ans? Même voire des années avant qu'on puisse mettre la main là-dessus. Donc, c'est de beaucoup de patience. On fait pas d'argent avec ça. C'est vraiment, on a du fun à pouvoir trouver des catalogues, les sauver, les numériser le plus possible, parce qu'évidemment, c'est volumineux. On fait qu'on numérise ce qu'on pense que vraiment les gens veulent voir. Puis après, il y a aussi les projets sur noirmagnétique.com. Ça, c'est d'autres recherches. Par exemple, la Alextel, le téléjeu aussi. Peut-être que ça ne te dit rien, Andrew, mais pour la génération des années 70-80, là, c'est vraiment des sujets que les gens ont complètement oubliés, où il y en a qui se sont souvenus, puis on dit « Ah, ils ont trouvé ça! » Je me souvenais plus de ça, ou je me souviens d'une partie, puis nous, on a fait de la recherche, on est allé rencontrer les gens. C'est sûr qu'il y en a qui sont collaboratifs, d'autres non. Ça fait partie un petit peu du monde des communications. Mais on essaye de plus possible d'aller vers les gens pour essayer de ramasser ça, parce que sinon, ça va être perdu à jamais. Ah, c'est sûr. Comme moi, vous allez trouver ça niaiseux, mais moi, quelque chose qui me fait un peu de la peine, parce que Dieu sait que j'ai joué à ça, c'est les jeux du vidéo, oui. Ben, justement, c'est un peu lié à ça, justement. Ben justement, c'est que là, je suis en communication avec une personne de Québec qui, lui, a ramassé beaucoup d'informations par rapport au vidéo. J'ai un vidéo à la maison, j'ai les trois versions de télécommande. J'ai reçu des vidéos, beaucoup d'images. Il me reste encore beaucoup d'informations à aller chercher. J'ai contacté Tristan Demers, qui animait l'émission Le Club Débranché, par exemple. J'ai déjà passé dans une émission Le Club Débranché en 1993. C'est sur YouTube, juste à faire une recherche sur Éric Saint-Cyr et Le Club Débranché. C'est pas très bon, mais en tout cas, moi, je veux dire, je parle de moi, là. et le vidéo, oui, c'est sûr que ça, c'est vraiment fascinant. Ça, c'est mon prochain projet. Ça va être très ardu. Je ne sais pas combien de temps je vais passer là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais retrouver comme information. Qui je vais interviewer? J'ai essayé André Chagnon, le fondateur de Vidéotron. Il ne veut rien savoir. C'est ça. C'est ça l'affaire. Je vais essayer de le soutirer le maximum pour ce que j'ai comme capacité de pouvoir aller chercher comme information. Puis on verra ce que ça va donner. Mais je sais que j'ai assez d'informations pour au moins donner un petit peu de souvenir aux gens qui... regarde. Tu parles de vidéo, oui? Remontons 10 ans plus tôt. Le service téléjeu. Je vais t'expliquer en 2 secondes. Je ne sais pas combien de temps on a pour l'émission, mais ça, c'est déjà sur noirmagnétique.com. Vous allez voir. Le service téléjeu, en fait, André Chagnon voulait pouvoir faire en sorte que les gens ne soient pas juste passifs devant l'écran de télévision. Ils veulent les faire jouer. Donc, avec un technicien qui s'appelle Daniel Faye, un technicien qui vient de l'Institut Técart, etc. Donc, ils ont fait un concept de pouvoir jouer un jeu vidéo directement à la télévision avec l'aide d'un téléphone touch-tone. OK? Moi, j'aime juste quoi, je trouve. Bon, alors, un téléphone touch-tone, dans ce temps-là, ça coûtait excessivement cher, puis en plus, il y avait des frais rattachés à ça, pour dire. Alors, c'est pour dire que c'était à l'avance sur son temps. Et donc, les gens qui syntonisaient le poste à TVJQ, en général, parce qu'il y avait dans plusieurs régions au Québec, après les émissions, vers 6h ou 8h, je ne me souviens plus, ben, ça passait directement au service téléjeu. Donc, tu voyais un menu à l'écran. Et le menu, bon, en fait, ça disait « Veuillez appeler à tel numéro » qui clignotait. Donc, le numéro 514, même pas 514 dans ce temps-là. C'était 870-5555, mettons. Fait que là, tu composais et là, tu espérais d'avoir la ligne parce que c'était une ligne seulement pour la région. Donc, il fallait que tu sois vite sur tes pitons. Il y en a qui étaient experts là-dedans, apparemment. Fait que dès que tu avais la ligne, tu avais un message téléphonique que tu recevais. Et une fois que tu étais connecté, tu avais un menu des jeux que tu pouvais jouer cette semaine-là, cette journée-là, parce que ça changeait chaque fois. Alors, mettons Gorf. Gorf est un jeu un petit peu à la style Defender. Gorg. Hein? Gorg. Gorg. Non, c'était Gorf. Gorg? OK, Gorg. OK. Gorf, c'est un autre jeu. Et donc, tu jouais là, ça donnait les instructions, comment jouer, etc., avec ton téléphone. Mais les autres, l'affaire, c'est que les autres te regardent aussi. Il n'y a pas seulement toi que tu vois à la télévision, et les autres là qui s'intonisent, le même poste, même région. Dans le fond, c'était l'ancêtre de Twitch. Exactement. Oui. Mais puis, figure-toi donc, ça a duré 10 ans. 10 ans, là. Puis ça fonctionnait sur ordinateur Apple II. Il n'y avait pas de technicien pour loader ça. C'est 24 heures sur 24. C'est juste qu'à un moment donné, il switch à l'Apple 2. Et voilà, c'est ça qu'il diffusait. Et c'était vraiment un Apple 2 qui était adapté pour ça. Vraiment adapté maison. Là. Daniel Fay nous a montré ça. Il avait vraiment patenté ça lui-même. Et pour la communication, c'était des répondeurs spéciaux qui étaient aussi setés spécialement pour ça, pour être en communication entre la personne qui appelle et l'ordinateur. Donc, les touches, c'est ça. C'est ça pour pouvoir faire fonctionner tout. Il a dû justement créer une façon de faire que une espèce de traduction, si on veut, de l'utilisation des touches, que si tu t'appuies sur tel bouton, ça fait telle action. Donc, ça, c'est quand même assez spécial. On pensait que c'était perdu à jamais. Puis jusqu'à temps que je trouve dans les archives, parce qu'en octobre 79, ils en ont parlé. Et j'ai contacté la personne. J'ai pu la retracer facilement. C'était à Longueuil. Et on est allé chez lui, puis il nous a montré ça. Il avait sauvé quelques disquettes. On pensait qu'on avait tout perdu. Et non, on a pu sauver quelques affaires. C'est sûr qu'il y a encore des choses qui, malheureusement, sont perdues. Mais on a sauvé le principal. Ça, c'est vraiment important, là, parce que ça fait vraiment partie de l'histoire vidéoludique au Québec, qu'il y a quelques personnes qui se souviennent encore, et fait que c'est sournois magnétique, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va tomber là-dessus, puis il va dire « Ah oui, ça c'est... » Nous, on ne prétend pas mettre ça sournois magnétique puis avoir une population énorme là, qui va aller voir ça, c'est plutôt pour les archives, les gens vont tomber là-dessus. Puis ça a déjà été le cas une fois, donc il y a quelqu'un qui cherchait de quoi, puis... pour un sujet autre, puis il est tombé sur un sujet, puis voilà. Donc, Ah ben, tant mieux. Ça prend des organismes comme ça, en fait, parce qu'il y a plein d'histoires du patrimoine technologique de Québec, du Québec, en fait. Et oui, il y a eu des vagues que le Québec a surfé comme à l'international, mais t'sais, ces genres de petits éléments-là, ces petits bijoux-là, en fait, là, t'sais, qui sont plus propres à nous. Il y a eu l'équivalent, en fait, en Europe là, aussi, là, puis il y a eu d'autres affaires, mais t'sais, le téléjeu, comme tu viens de parler, c'est quelque chose qui était plus propre à nous autres, et avoir le souvenir de qu'est-ce que nous autres, ça avait du ressemblant. Et veut pas, le système téléjeu a été un des éléments qui ont mené éventuellement à la création de VideoWay, parce que c'était ça aussi, c'est quand ils ont arrêté le système téléjeu, ça a été remplacé par les jeux sur VideoWay. Et ça, c'est une toute autre histoire, ça, l'histoire de la course à la télématique au Québec à la fin des années 80, où ces trois joueurs, c'est Vidéotron, c'est Bell et c'est... Comment s'appelle la petite entreprise qui avait une troisième entreprise, une toute petite, qui avait eu les droits pour le Minitel. C'est ça, Bell avait son propre système le très, très longtemps parce qu'il était très coûteux. Et il y a eu VideoWay qui, lui, s'est implanté parce que c'était beaucoup moins cher. Il servait aussi de synthétiseur pour les gens. Donc, c'était d'une pierre deux coups. C'était plus simple comme ça. Tout simplement. Donc, c'est ça qu'on va raconter bientôt. La LXTEL aussi, c'est un autre sujet là, que je fais les recherches là-dessus. Puis j'ai trouvé une personne qui était vraiment très proche de ça, fait qu'il nous a raconté vraiment... Donc, un paquet de projets ensemble, catalogue... Noir magnétique, c'est ça. Ben parfait, ben merci beaucoup de nous avoir présenté tous vos projets. Peut-être une dernière fois, répétez où est-ce qu'on peut vous trouver sur les internets pour les gens qui sont curieux. Ben, Catalogue Québec, c'est plus facile comme ça, Catalogue Québec. Vous allez juste aller sur en privé, nous contacter, et je reçois le message. Sarah ou moi, les deux, là, administratrice aussi. On va recevoir le message, puis on va vous lire avec attention et voilà. Ben parfait, ben merci beaucoup. On va retourner en petite pause musicale et on va revenir avec les suggestions cadeaux. Juste pour vous dire, une petite pause musicale qu'on va aller chercher le nom de la musique parce que je ne me rappelle plus. En fait, on va aller avec Instalock qui fait des covers de chansons, mais à saveur jeux vidéo. Là, c'est pas Noël, malheureusement, mais là, c'est comme je disais, j'ai mis deux fois même tune. Fait que je vais lâcher un petit peu de tune, j'ai coulé. Mais bon, tout ça pour dire que c'est une tune qui a été faite pour le nouveau personnage qui a été rajouté dans Overwatch, qui est Sombra. Donc, on va aller avec ça. Également, on va aller avec les messages enregistrés des différents chroniqueurs des productions de puissance maximale qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils veulent pour Noël. Puis après ça, on va revenir tout le monde ensemble. Salut Catherine, by the way. Parce qu'il y a une étrangère qui vient d'arriver. Non, mais on va revenir en suggestion cadeau sur qu'est-ce qu'on vous suggère pour gâter les gens. Et également, on va avoir un invité très spécial qui va être avec moi là, quand on va revenir. Là. Vous allez voir, il est bavard, il ferme pas sa gueule. Fait qu'on va revenir avec tout ça. Donc, Sombra d'Instalock. Donc, tout ça pour vos oreilles sur les ondes de puissancemaximale.com. I think Sombra's hacking my computer. You're not getting hacked, dude. That's a Windows 10 update. Oh, okay. D'autres, là, des cadeaux geeks qu'on voudrait de, qu'on recommande pour le temps des fêtes. Serais-tu game de me partager ce que tu y enverrais? J'ai vraiment une bonne idée, entre autres. Je vais réfléchir à d'autres, mais il y en a une qui m'est venue en tête immédiatement une? Quand tu m'as dit ah, ça. Oui, en particulier. Une en particulier. Ben, je vais tricher un peu, ça va être comme un regroupement, mais je vais en ressortir un en particulier. Mais toutes les lampes geek, moi je trouve ça vraiment beau. Genre les lampes de Tetris que tu peux mettre un par-dessus l'autre. Oui, ou les lampes en forme de blocs de Mario que tu les allumes, puis là ben le bloc il brille. Ou les lampes Walking Dead avec des mains qui montent sur c'est le manche, tout ça, que sont j'aime vraiment beaucoup, hot. C'est le fantôme de Pac-Man, c'est vrai? Celle-là. Non, je l'ai elle pas vu. Elle est vraiment en forme de fantôme de Pac-Man en 3D. Ah oh, ouais! Puis, t'as une manette. Tu peux changer la couleur du fantôme. Oh, ça, c'est cool. C'est vraiment c'est cool. Vraiment une bonne j'ai idée. J'ai pensé à mettre un sur mon arcade. Celle en particulier que je préfère, c'est celle qui passe beaucoup sur Internet. Celle avec Son Goku, là, qui a les bras levés, là, puis une Spirit Bomb. Les airs, puis oui, ça, ça, ça c'est... Aussi, avec des oui, exactement. Des mais la Spirit Bomb, c'est la plus cool. Si j'avais un cadeau geek à recommander, ce serait celui-là, assurément. Là, moi, écoute, c'est... je l'ai vu, je suis tombé en amour avec, puis j'ai vu son prix, puis j'ai vomi, mais c'est pas grave. Ah, oh, ben ça va, là, c'est en US dollars. Ouais. Oh non, c'est en. Oh non! Hey, moi, j'ai un petit top 5 avec des catégories. Un petit top 5 en catégorie. Hey, il faut faire la toune du top 5. Est-ce que t'es prêt pour la toune du top 5? On va la faire a cappella. Ok. En même temps? En même temps. Ok, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est la toune du top 5 au 17 Avenue des Pins. Top 5. Oh! Mais là, c'est pas n'importe quel top 5, c'est le top 5 en catégorie. Ah, ben, faut faire la chanson du top 5 en catégorie en même temps, c'est vrai? 1 et 2 et 1, 2, 3, c'est la tourne du top 5 en catégorie. C'est la tourne du top 5 en catégorie. Hey, mon Dieu, Andrew, vas-tu être content de recevoir ce chiot du top 5 en catégorie. Mon premier catégorie, c'est outils. Outils, okay. Genre logiciels. Ah, ok. Je pensais que tu parlais de moyenne et de tournevis. Non. On est geek, nous, nos outils, ils sont. Ça peut être un tournevis en forme de Minecraft. Ouais, mais non, c'est pas ça. Non. L'outil que je recommande, c'est une licence pour Microsoft Office. C'est cher en innocence, t'as parlé. Mais moi, recevoir ça en cadeau, je serais très content, surtout que. Pour tout le monde à la maison, ça vous tente de commencer à faire des vidéos puis que vous n'êtes pas nécessairement bon en animation. J'ai découvert récemment qu'avec PowerPoint, tu peux faire des animations puis mettre des entrées puis tout apparaît, disparaît. Oui. Puis tu peux mettre comme un effet de rebondissement. Ça, c'est un petit truc d'animation. Mettons que tu veux faire déplacer un texte de gauche à droite puis tu veux pas que ça ait l'air trop rigide. Ouais. Tu le fais dépasser de quelques frames un peu plus loin, puis après ça, tu le fais revenir où est-ce que tu veux qu'il arrête. Mais avec PowerPoint, tu peux le faire automatiquement. Tu peux faire plein d'animations qui ont vraiment l'air fluides. Puis si tu mets un fond vert, mettons, tu peux l'enlever dans ton logiciel de vidéo. Quand j'ai acheté mon Lenovo qui me fait un peu chier, là, comme je vous racontais avant qu'on commence à enregistrer, les gars, je te parle, t'as plusieurs personnalités. Il y a le Maxime Gentil, puis Maxime avec des yeux méchants qu'on surnomme Maxi Dark. Inner Max. Hey, je vais te faire une blague de Inner Me après, tantôt, parce que c'est vraiment drôle. Je l'ai acheté la suite Office, c'était comme 135$ la suite Office, c'est quand même cher, mais je veux dire, j'en avais besoin pour le cégep, j'en avais besoin. On dit toujours on en a besoin, mais est-ce qu'on a réellement besoin? Je veux dire, il y a des logiciels gratuits qui peuvent faire la job. T'sais, le Google Drive, c'est sûr. T'as pas besoin de Word. C'est sûr, mais il en demeure pour moi que c'est un petit joujou, là, puis en tout cas, moi, j'étais bien heureux d'investir là-dessus puis de me procurer ça pour le cégep. Ça m'a aidé dans bien des présentations. La backwards compatibility est comme meilleure que les autres logiciels. Ouais, vraiment. Très bon recommandé. Puis finalement, là, je finis sur PowerPoint. Si vous voulez faire du podcast aussi, vous pouvez mettre votre vidéo dedans, mettre un fond d'écran, puis vous pouvez l'exporter en WMV. C'est une bonne idée, ça. Fait que là, moi, je cherchais un moyen de comme exporter ça en background pendant que je travaille. Sans être obligé d'installer des logiciels sur mon portable de travail, je peux le faire avec PowerPoint. Merveilleux. C'est ma découverte 2016. Ouais. Deuxième catégorie, je vais y aller avec jeux vidéo. Le nouveau Shantae qui vient de sortir après 3 ans. Est-ce que tu as joué? Je ne l'ai pas encore joué, mais j'ai ma clé Wii U. Je l'ai reçu, fait que là, je vais pouvoir jouer. Je recommande un jeu auquel j'ai pas joué, mais j'ai vu l'effort qu'ils ont mis. Ils mettaient tout le temps des nouveaux artwork et tout. Ça a vraiment l'air bon. J'ai même pas joué, je vous le recommande. Je vais venir jouer avec toi parce que. C'est ton jeu favori. Le Shantae, The Pirate's Curse, c'était vraiment bon. Afgini Hero, allez investir là-dedans. Je pense que ça a l'air d'être un excellent jeu. Oui. Puis c'est nouveau. Fait que c'est bien. Ben oui. Troisième catégorie, ça va être jeux de société. Dans les jeux de. C'est excitant. Ça m'excite. Je t'ai moustillé, mon homme. Tes réactions, c'est tout le temps magique. la semaine passée, vous avez entendu jouer à Qui c'est, qui est genre mon jeu de société favori, sauf que c'est un jeu qui est plus produit. Je vous aurais recommandé ça, mais si vous passez dans un village des valeurs, vous le voyez, achetez-le. Sautez dessus, il sera pas cher, ça vaut vraiment la peine. Oui. Mais dans les jeux qui se vendent en ce moment, je vais recommander Chicane dans la cabane. Oui! Qui est un petit jeu où est-ce que classique. T'as plein de petits bonhommes dans un donjon, puis chaque personne a des personnages au hasard que les autres connaissent pas. Puis le but, c'est de déplacer les personnages, puis les tuer, puis d'être le dernier dans le donjon. Tu fais 3 rondes, puis celui qui est le plus loin qui gagne. C'est un jeu très simple, ça va super vite, puis n'importe qui est capable de comprendre les règles en genre 5 minutes. Puis tu peux jouer jusqu'à combien de joueurs? Tu peux jouer jusqu'à 5 ou 6 joueurs. OK, quand même. Fait que ça peut être un jeu de party. C'est ça, fait que c'est un excellent jeu de Noël. Tu installes ça sur la table, le donjon, là, tu le construis un peu comme des blocs Lego. Fait que déjà, le monde m'a dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Chaque partie est différente parce que tu fais un donjon différent à chaque partie. Exactement. C'est chicane dans la cabane, tu mets les petits bonhommes. En plus, les bonhommes sont drôles. Oui. Puis là, tu viens pour expliquer les règles, puis ça se résume à, à ton tour, tu déplaces n'importe quel personnage. S'il y en a deux dans la même case, t'en élimines un. C'est tout. C'est juste ça. Puis le dernier qui est dans le donjon, il gagne. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est super le fun. Ben, hey, malade. Ouais. Hey, je voulais juste faire un disclaimer. Si jamais vous entendez des chats là, pendant l'enregistrement, c'est parce que, faites-vous-en pas, il fait froid. Hein, tu sais, j'ai un chat dans la gorge. Fait que, des fois, hein, ça ben, peut ouais, juste ben, être c'est, ça. C'est important que tu le dises. Oui, oh, oui. Quatrième catégorie. Oui. Je vais y aller avec vêtements. Oui. Dans les dernières années, je me suis acheté deux. Non, je pense que t'as aucune idée. Non, mais je vais en faire un aussi, mais okay. Un catégorie vêtements, vas-y. Au Simons, ils ont des sous-vêtements de super-héros. Ouh. J'ai une bobette Batman, puis un boxer. Ben, une bobette, une tampon. J'aurais dû réserver ma réaction émoustillée pour ce moment-là. Ben, vraiment. Oui, on mettra une photo sur le Facebook. Où est-ce que je t'ai moustillé ou est-ce qu'on voit les boxeurs? Oh, les deux en même temps. Oh, oh. Ouh. Mais c'est ça, j'ai des sous-vêtements Batman, des sous-vêtements Flash, puis les deux sont très très confortables. C'est mes sous-vêtements favoris. Fait que si vous voulez faire plaisir à un geek, achetez-y des sous-vêtements. Quel qui est le plus rapide entre les deux? Ben, c'est de la malle flash. Sauf que pour mes parties sexuelles, c'est pas, je sais pas si c'est un message ou si c'est une représentation de la chose. Eh ben pour ma part, côté vêtements, j'ai apprécié. Moi, je regarde les Ugly Christmas shirts qui se vendent sur Internet. Puis, ben, c'est Ugly c'est Christmas Sweater, oh, excuse. Puis, j'ai une vue de la WWE qui était vraiment beau. Oh, mon Dieu, ça doit être il y avait Ric Flair en gros, genre, qui était écrit « Wouh! » Puis, j'ai vu aussi, c'était Randy Savage, puis il était de même, c'était écrit « Macho Christmas ». Ça, c'est hot. Il était vraiment hot. Mais écoute, il y avait à peu près tous les lutteurs pas possible, mais c'était les deux que j'avais vu qui me faisaient plus wow. Capoter. J'ai vu aussi bon. Celui de Sonic. Sur la page Sonic the Hedgehog, ouais. Il y en avait un, c'était avec Green Hill Zone, qui était vraiment beau. Oui, oui, ben, je pense qu'il y a le gars de Glitchmas, Son of a Glitch. Oh, ouais, ouais, ouais, ouais, là, ouais. Ok, ça se pourrait très bien. Parce que je pense que je l'ai vu dessus, il est vraiment beau. Hein. Puis, je n'avais vu des plus niaiseux, là, des Shanik aussi, là, qui étaient vraiment drôles. Mais, un Ouija. Un Ouija. Ce serait malade. Ce serait malade. Mais enfin, le Macho Christmas, c'était un coup de cœur pour moi, si vous le voyez. Je vais envoyer le lien là, sur la page du 17 Avenue des Pins, faites-vous-en pas. Mais le Macho Christmas était particulièrement beau. Ah, ben, c'est... Pour un ugly Christmas sweater. Nice. Ton dernière catégorie? Ma dernière catégorie, ça va être une catégorie, je sais pas comment l'appeler, je vais dire comme coup de cœur. Je vous recommande de vous acheter quelque chose qui correspond à vos passions. OK. Nous autres, cette année, on s'est acheté un kit de micro sur Amazon. Si vous voulez, on peut vous envoyer des liens si vous aimez ce que vous entendez. C'est vrai. Pour vrai, c'était pas cher. J'ai cherché longtemps pour trouver une bonne qualité de micro. Oui. Si vous voulez poser des questions, venez vraiment me demander. Là, je vais vous donner nos conseils. Là, je commence à connaître un peu ça. Ouais. L'année passée, on s'était acheté une bonne caméra. Une réflexe. Tu peux vraiment filmer et prendre des très bonnes photos. Ouais. On avait une lentille aussi avec ça. Ouais, puis, c'est oui, ça. Oui, oui. Puis on, bon stuff. On l'avait magasiné, on l'avait vu ça pognée en spécial. Il y avait genre 250$ de rabais. Là, ah oui. Cool. Fait que cherchez des spéciaux, découvrez vos passions puis achetez-vous quelque chose qui vous fait plaisir. Ah, puis émoustillez-vous surtout. C'est surtout ça. Là, si tu tripes sur les bobettes de super-héros, choisis ton super-héros préféré. Tu vas en trouver des bobettes, faites-en pas. Ils se vendent aussi en modèle boxeur, en modèle speedo, en modèle... Tu sais, tous les modèles de la vie, tu pourras les trouver en mode super-héros. Faites-en pas. Ben ça, c'était un très beau mot de la fin. C'est profond, hein? Christian, on te redonne la parole. Ben, si vous écoutez la chronique à Christian, on redonne à Christian, Creed, Andrew. Si vous écoutez la chronique à Andrew, ben, on redonne la parole à Andrew. Ben, sinon, ben, on nous redonne la parole parce que ça va être la suite du 17 avril. Belle passe à la palette, ça. Ben oui, c'est beau. Hein? On finit ça avec une petite émoustillement à deux. Ouais, un, deux, trois. Et... Oh! Hey! Ah! Oh! Bonjour, ici Luduc de Luduc.tv. Ce que j'aimerais avoir pour les fêtes, eh bien, j'aimerais avoir ma propre copie de Final Fantasy XV. On l'attendait depuis tellement longtemps. Puis là, il manque juste quelques sous pour l'avoir. Come on! Pourquoi je peux pas l'avoir? Hein? Quoi? Hein? Hello à tous, c'est Christian Hamel des Informateurs sur les ondes de puissance maximale à tous les lundis 19h. Moi, pour ma liste de Noël, c'est très simple. Je voudrais un alpaga en peluche, un alpaga robotisé, un alpaga qui fait de l'embonpoint, un alpaga russe, un alpaga, et pour terminer, un trampoline pour faire sauter mes alpagas. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Et je vous souhaite un invité alpaca à votre table lors du souper de Noël. À ton antenne, Andrew. My name is Greg Smythe. I'm from OUU, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour aux puissances nano après cette pause musicale et ces capsules suggestions cadeaux de mes différents producteurs. Et l'invité spécial dans la capsule était Luduc, en fait, qui veut une copie de Final Fantasy XV. Fait qu'on va faire un X là-dessus, puis ça a déjà été suggéré. Et bien évidemment, vous comprendrez que les alpagas en peluche, les alpagas robotisés, les alpagas qui font de l'embonpoint, les alpagas russes, les alpagas tout court, bref. Puis les trampolines sont aussi éliminées à cause de Christian. Et sinon, ben, y a une méchante grosse liste de 17 avenues des Pins, mais là, je ne ferai pas l'énumération de toutes les questions dit, parce qu'on aurait un autre 10 minutes à énumérer des choses. Mais sinon, ben, on les en présente de nouveau, il y a Eric et Sarah. Ben oui. Un, deux, testing. Ouais, ouais, on t'entend, t'entends. Ouais, ça va bien, ça va bien. C'est bien. D'ailleurs, je vais en profiter pour me réhydrater. Attention à ma bière. Oui, attention à ta bière. Oui, parce qu'on a passé du bubble tea de pré-émission avec un petit remontant à de la boisson légèrement houblonnée. Dans votre cas, c'est de la racinette alcoolisée. Oui. Dans mon quand cas, même presque 6%. Là. Dans mon cas, c'est du sirop noir comme mon âme, communément appelé de la Guinness, donc de la noire irlandaise. Bah, cheers. Santé. D'ailleurs, cheers. Certificat cadeau dans une boutique de bière de microbrasserie artisanale. C'est une bonne idée de prix de cadeau. C'est toujours une bonne idée, ça se boit bien. Il faudrait que le montant soit assez conséquent parce qu'une bière de microbrasserie, c'est en vous donnant 5-6 $ la bouteille. Oui, mettez un 30-50 $. Ouais, ouais, hein? C'est pour s'acheter une bonne caisse. Là. Mais sinon, ben, vous avez amené des suggestions cadeaux de votre côté qui semblent être... On reste dans la thématique, il y a du papier. On sent du papier. C'est donc c'est 3 suggestions de cadeaux pour les geeks de notre âge, là, des années 80. Écoute, je suis né en 88, puis moi, lui que je touche, là, que je ne dirai pas le nom, parce que je vais vous laisser le présenter, il me parle. OK. Il me parle. Et je dois dire que les 3 livres sont disponibles sur Amazon, donc vous pouvez les commander. Là, c'est pas la recherche du siècle pour les trouver, même si un des 3 est un peu plus ancien. Donc, je vais commencer avec le plus ancien, c'est Transformers Vault. Yeah, voilà. C'est, en fait, c'est une série de livres qui était populaire il y a à peu près 5 ans. C'était ce qu'ils appellent des vaults, où tu as une présentation du sujet, mais tu as des reproductions d'images, de fascicules. Donc, c'est un peu plus 3D que juste le livre avec des images imprimées. Donc, ça couvre vraiment l'histoire de Transformers depuis la période japonaise, la pré-sortie jusqu'au film de Michael Bay, en réalité. Ah, ils ont inclus ça là-dedans? Oui, mais c'est pas une grosse section. On peut faire semblant que ça n'existe pas, puis on va être bien content. Il existe une version éditée sans ça? Malheureusement, non. J'arrive pas à croire qu'ils vont faire un quatrième film, sérieusement. Ah, je sais. Ah, en tout cas. Mais c'est quand même un très bon livre, malgré la présence de la mention des films de Michael Bay. La morale, achetez le livre, achetez les vieilles séries, puis si vous voulez une recommandation cadeau, n'achetez pas les films de Michael Bay. Et hésitez un peu pour les bandes dessinées de Marvel d'époque, c'est très inégal. On dirait que les dessinateurs savent soit dessiner des humains, soit des robots, mais rarement les deux. Je peux-tu feuilleter le livre? Oui, bien sûr. Le deuxième livre que j'ai à présenter, il vient tout juste de sortir cet automne, ça s'appelle Art of Atari. C'est vraiment un art book sur, sur l'art des jeux Atari. On parle pas de l'art dans les jeux même, les emballages, sur les boîtes et tout ça. Et c'est vraiment très documenté, très poussé. Il y a des entrevues avec les artistes, des exemples aussi d'images non utilisées. C'est axé beaucoup sur l'Atari 2600, mais on parle aussi de jeux sur les autres plateformes Atari, 5200, 7800, Atari 400-800. Peut-être pas Jaguar, par contre, c'est vraiment plus axé à années 80. Donc ça, c'est vraiment un superbe livre qui est tout chaud, qui vient de sortir, avec une préface par Ernest Cline, connu pour le livre Ready Player One. Et ma troisième suggestion, que je n'ai pas en physique, mais en numérique plutôt, c'est « The Art of He-Man », qui est encore une fois un livre très documenté sur l'art conceptuel de He-Man, autant les jouets que bandes dessinées, dessins animés. Donc, on couvre vraiment tout ce qui est He-Man, mais la version originale, années 80. Là, on ne parle pas du reboot d'il y a quelques années. Là. Non, c'est ça, le bon vieux classique, là, avec une animation très poussée, très détaillée, et des mouvements ultra fluides des personnages. Là. Tu passes cette série-là. Là. Et malheureusement... Remarquez pas le sarcasme. Non, du tout. Et aussi un peu trop cotégé... on veut tellement pas faire de violence que c'est un petit peu trop extrême. Ouais, mais moi, qu'est-ce que je trouve très drôle, c'est la traduction française de He-Man. Parce que les traductions françaises, c'était à l'époque où justement les traducteurs français en mettaient comme vraiment trop. Là. Fait que déjà, t'as une série qui est générale, mais à l'extrême, puis tu mets des doubleurs français qui poussent encore plus loin. C'est de toute beauté. D'ailleurs, pour Transformers, revenir à Transformers, on a eu au Québec le doublage québécois du dessin animé et plus tard le doublage français. Et c'est absolument horrible, le doublage français. Premièrement, les noms sont pas pareils. Deuxièmement, les Decepticons venaient les Decepticans à cause du mot « con » dans le nom. Sérieux. Et la chanson thème, absolument horrible. Nous, on a eu une traduction de la chanson thème américaine. En France, ils ont eu une chanson pourrite qui s'appelle pour la fin du monde où je sais plus trop. Là, c'est... Mais la question, le livre Transformer Vault, est-ce que tu l'as lu? J'ai commencé à le lire. Je ne l'ai pas lu de Parce que je me demande, plus qu'ils disent que c'est l'histoire complète de Transformers, je me demande, est-ce qu'ils répondent à une des questions les plus importantes de la série Transformer? Laquelle? Quand Optimus Prime se transforme, d'où vient le... Ah, ce qui arrive. Le trailer. Il sort d'où? Je pense pas qu'il couvre ça. C'est vraiment plus sur l'art conceptuel. Parce que même dans les BD, il en parle pas. Dans les films, les films de Michael Bay, il a trouvé une bonne solution. Il l'a juste pas mis, le trailer. C'est un peu plus logique. Il a juste fait comme moi. Moi, je m'avance pas là-dedans. Mais d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse parce qu'on parle de Transformers. Pour venir à Noir Magnétique, c'est que mon logotype, mon logo animé, sonne un petit peu comme transformation de Transformers, mais ça vient d'une toune de Deform, mais ça fait le bruit quasiment d'un Transformers qui se transforme. Donc, c'est cool. C'est vraiment en lien avec tout ça. Donc, mais beau livre, par exemple. Oui, c'est vraiment un très beau livre. Très bien fait. Donc, c'est mes trois suggestions. Les trois existent en version physique, comme je dis, sur Amazon. Et si vous préférez une version numérique et que vous avez accès à l'application Kindle, The Art of Atari et The Art of He-Man sont aussi disponibles en numérique sur Kindle. Ah, c'est parfait, ça. Sinon, y a d'autres suggestions? Non, c'est une suggestion commune. Ben, parfait, sinon... On va passer à Véronique. Ouais, là-bas, ben, ben loin. T'es ben, ben loin, à l'autre bout. Ça s'en vient. Elle suggère un chat. Oui. On va le prendre, nous, Peanut. Bonjour, Peanut. Salut. Baisse-toi un petit peu. Ça, c'est là. Ce qu'elle a à dire. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding, ding. Puis ses griffes dans mon épaule. Voilà. Mais moi, en fait. Je te recommande de parler... Là. Dans le micro. Si tu veux qu'on t'entende. C'est là, là? Oui. OK. Ben bonjour tout le monde. moi, en fait, c'était le livre The History of Sonic the Hedgehog, qui est pour les fans de Sonic. Et puis, c'est très intéressant. C'est sûr qu'il n'y a pas les derniers Sonic, là. Le dernier... je me demande jusqu'où ça va. Je suis dans les personnages. Ça va, je pense, sur pas mal les derniers... ben, si on enlève les spin-offs, là, ça se rend pas mal à Sonic Heroes, si je me trompe pas. Ah, OK. Donc, il manque les derniers, mais c'est quand même très complet. Donc, pour les amateurs de Sonic. Et ce qui est bien, c'est un livre qui existe en français aussi, publié par Pix & Love en France, et en anglais par Houdon, qui est canadien. Anyway, vous voulez l'édition anglaise? Oui, tout à fait. Pas de parti pris, pas en tout, moi. Sinon, il y avait-tu autre chose? Ben, c'est sûr que moi, j'ai une tonne de jeux de société. Ah, je pensais que tu allais dire, ben moi, je fais beaucoup de choses, donc vous pourriez m'encourager en m'achetant plein de boules de Noël. Ben, si les gens veulent aller sur... Tu sais, je te permets de faire une shameless plug. Oui, c'est ce que je fais. Si les gens veulent aller sur Pink Viviz, c'est P-I-N-K-V-I-V-I-Z. Ben, je vends de la marchandise, c'est mes dessins, c'est mon art. Tapis de souris, signets, macarons. Il y a les boules de Noël, évidemment, à thématique, cartes de souhait. Donc, gênez-vous pas, écrivez-moi, allez sur la boutique en ligne. On en profite quand on a le droit d'une petite publicité. Ben oui, gratuite en plus. Ben, merci beaucoup. Ben, c'était tellement laid comme riz, ça. Mais sinon, il y avait plein de jeux de société. Je pense que c'est une sélection un peu de toi et de ton conjoint, là, André. Là. Oui, ben c'est sûr que on a beaucoup aimé King of Tokyo. Là, présentement, le monde ne t'entend pas quand tu parles en arrière du micro. On a beaucoup aimé King of Tokyo, qui se joue jusqu'à, je pense, c'est 6 joueurs. 2 à 6 joueurs. Des parties d'approximativement 30 minutes. Oui. Recommandées à un âge de 8 ans et plus. Exactement, c'est ça qu'on a aimé justement. Et il y a King of New York aussi qui est très bien. Oui, lui, j'ai pas encore joué, mais on m'a dit qu'il était un petit peu plus complexe. Ben, en fait, c'est que au lieu d'avoir juste monstre puis un board avec deux ronds, là, ben, t'as des quartiers. Ah, et okay. Tu peux vraiment attaquer les quartiers, non pas juste attaquer les monstres. Mais c'est très accessible, justement. Ça s'apprend très rapidement et puis ça se sort bien dans une soirée. Parfait. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose? Je vais laisser... Tu peux y aller, là. T'as de la place. Ah, j'ai de la place. Ah oui, regarde. Il était 38, là. T'sais, on a défoncé 18 minutes, là. T'sais, on a encore de la place. Oh, là. Non. OK. Ben, si je peux en faire une dernière, j'aimerais bien suggérer Sushigo. Il y a deux éditions. Il y en a une qui est party que j'ai pas essayée, mais je sais que Sushigo, la petite, celle qui est, je crois, c'est en bas de 20$, là. Et puis, justement, ça, à la fin d'une soirée, ça s'apprend rapidement. Si vous avez bu, il n'y a pas de problème. Tout le monde va apprécier ça. Les enfants aussi vont apprécier ça. C'est 8 ans et plus. Ça se joue jusqu'à 5 joueurs. Mais honnêtement, on a déjà joué jusqu'à 6 sans problème. Et puis, les dessins sont superbes. Ils sont vraiment mignons. C'est le principe où on doit... cumuler des points, grouper des cartes qui sont semblables, mais on ne peut pas garder notre paquet. Donc, notre paquet, il va se promener parmi les autres joueurs. Et puis, il faut essayer stratégiquement de se souvenir qu'est-ce qu'il y a dans les paquets qui passent entre les mains. Évidemment, le paquet va diminuer plus ça va. Donc, plus on attend, moins on a de chance de faire de points. Donc, c'est un bon petit jeu qui se joue autant l'été que l'hiver. Après une soirée arrosée ou avant de commencer un jeu un peu plus complexe et pour mettre les gens dans l'ambiance. Parfait. Sinon, on va faire une petite escale. Il y a un collaborateur qui n'a pas fait de capsule écrite. Qui a fait une capsule écrite, mais pas une capsule enregistrée audio. Il voulait que je mentionne son article et je suis en train de l'oublier complètement. En fait, on va faire un petit saut rapidement à Carl Trépanier. A.K.A. Atomic Turtle, qui représente la game.ca, qui normalement collaborait avec moi à l'émission, qui va revenir collaborer aussitôt que ma vie va être un petit peu stabilisée et que je ne serai pas en train de mourir de l'intérieur. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai fait un petit article sur le site lagame.ca que je vais vous partager sur la page Facebook de Puissance Nano et de production puissance maximale après l'émission, où il recommande des places où on peut aller acheter des trucs pour donner des cadeaux, donc entre guillemets, des idées cadeaux. Et là, on a entendu un beau bouchon tomber en arrière-plan. Oui, je le mentionne pour que tu aies la honte et que tu sois gêné, Véro, espèce d'alcoolique. Non, c'est une blague. Je vais prendre une gorgée de bière pendant que je dis ces propos-là. Non, c'était de l'eau. Non, c'est une blague. En fait, première des choses, il recommande d'acheter, si vous êtes un peu un gadgeteux, geek, fan de trucs qui sortent un peu du commun, il recommande un des sites qui est le www.thinggeek.com, site très connu. D'ailleurs, que le frais postal au Canada a baissé, puisque maintenant, ils sont en partenariat avec eBay Games pour la distribution de leur matériel. Donc, si ça vous tente d'acheter des petits cadeaux geeks que vous ne trouvez pas ailleurs, vous pouvez aller soit sur le site de ebaygames.ca dans leur section Think Geek si vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils tiennent en magasin que vous pouvez aller chercher en boutique ou encore vous pouvez commander directement sur le site. N'empêche que oui, les frais postaux ont quand même baissé, mais c'est quand même assez dispendieux pareil commander sur Think Geek. Fait que je vous recommande de faire un petit appel à tous dans vos amis Facebook pour faire une commande de groupe. Ça baisse grandement le prix de poste, parce que même si vous faites une giga grosse commande, il y a une limite à un moment donné à ce que le frais postal augmente sur ce site-là, fait que c'est plus avantageux. Et il y a des choses qui sont très cool, comme des t-shirts ou des peluches ou des accessoires. Il y a des choses aussi complètement inutiles, comme un R2-D2 qui fait juste du bruit en branchant dans un port USB de votre ordinateur qui sert à rien d'autre que faire du bruit. Mais c'est cool, ça fait de la lumière, Star Wars, Star Trek, Doctor Who, jeux vidéo... Pas besoin de dire rien d'autre de plus, c'est cool. Sinon, autre site, une petite boutique en ligne indépendante qui est Shop Goods, donc C-H-O-P-S-H-O-P Goods, donc goods.com. En fait, c'est une boutique indépendante canadienne. Donc, au lieu d'encourager un géant américain comme ThinkGeek, vous avez cette petite boutique-là qui se concentre principalement dans les chandails et les chapeaux. Mais ils font vraiment des imprimés très, très cool. Donc, vous pouvez vraiment avoir un chandail que vous ne trouverez pas dans un HMV ou un Walmart, puis faire plaisir à l'élu de votre cœur ou votre meilleur ami ou votre animateur de radio favori. Ça de même. Puis en plus, les frais de livraison tombent à 0$ dès que vous avez un achat de 75$. Donc, gâtez-vous, achetez-en à vos amis. Faites un achat, make it rain avec des t-shirts. Vous pouvez faire ça. Sinon, bien évidemment, si vous êtes un grand fervent de l'achat en ligne, vous connaissez déjà Amazon et eBay, que vous pouvez trouver des choses. D'ailleurs, si vous êtes fan d'achat de jeux rétro, Amazon a aussi de plus en plus une section pour des jeux usagés. Dans le fond, quand vous cherchez des vieux jeux, vous pouvez aller voir Used Game et vous avez des prix pour certains vendeurs. Par contre, je vous recommande pas forcément d'acheter sur ça parce que généralement, c'est cher et il y a beaucoup de contrefaçons. Mais bon, si vous êtes un acheteur averti et que vous savez comment différencier vos choses, vous pouvez trouver quand même certaines aubaines, autant sur eBay qu'Amazon, mais ça, c'est à votre discrétion. Sinon, Amazon, je vous le cacherai pas, il y a des choses à l'infini là-bas. Là. Vous pouvez même acheter une canne de soupe, si vous voulez, c'est rendu à ce point-là. On peut même acheter des boîtes de céréales pour combler les frais de poste si tu n'arrives pas à 35$. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. C'est, il manquait 10$. C'est fou, là. À cette heure, tu peux même faire ton épicerie sur Amazon. C'est n'importe quoi, là. Fait que tout ça pour dire qu'il y a ça. Sinon, si vous êtes amateur de jeux vidéo et collectionneur de tout ce qui est en lien avec le jeu vidéo, il y a GG Games et Lucky Games. Qui sont également des boutiques en ligne qui vous permettent de commander autant du rétro que du révo. Si vous ne connaissez pas l'explication, la définition du mot révo, c'est pour les consoles récentes. J'ai entendu parler de ça. Hein? Non, jamais. Trop hein? vieux, on est trop vieux pour trop ce vieux, genre de... Hein? Non, en fait, c'est que vous avez deux catégories de consoles. Vous avez le rétro et le révo. Le rétro, c'est tout ce qui est console à cartouche en tant que telle. Puis le révo, c'est à partir du moment où ça passait à l'ère... On peut en débattre pas mal de celle-là, en tout cas. Oui, on peut en débattre parce que ça fait assez longtemps, mais je parle des termes ont été nés à ce moment-là quand les consoles ont passé à la phase CD. Puis ça, c'est à cause qu'il y avait beaucoup de noms de code de consoles que c'était révo. T'es pour Révolution, puis ta. Fait que c'est pour ça que le terme est né de là. En fait, Révolution, c'est pour la Wii, hein? Oui, il y avait ça, mais il y avait plein d'autres affaires aussi. Mais bref. On va en prendre des battes, mais ça, c'est une autre émission, je pense. Bon, oui. Anyway. On se fera pas chier pour un terme, là. Hein? Moi, je dis leur nom. C'est plus simple. La PlayStation 1, 2, 3. C'est ça. Ouais. En fait, c'est PlayStation 1, mais bon. Tu sais, c'est... Bref. Tout ça pour dire que article sur lagame.ca, je partagerai le lien. Si vous voulez aller le consulter, vous irez sur la page de Facebook de Puissance Nano et de Puissance Maximale. Donc, c'est plein de choses. Vous avez plein d'idées là-dessus. Sinon, André, t'avais-tu une suggestion ou quelque chose ou tu restes muet à l'autre bout de la salle? Coin, il bouge pas là, lui. Il se dirige lentement vers le micro. Pour des jeux vidéo, moi, j'en dirais deux, peut-être. Il y en a un que si vous avez beaucoup aimé Skyrim, mais vous êtes tanné assez rapidement parce que c'est plein de bugs, mais dites-vous qu'il y aurait peut-être Witcher 3 qui est très plaisant et assez long. Il a sorti l'édition Game of the Year dernièrement, d'ailleurs. Oui, puis on peut l'avoir à un assez bon prix, et la version complète pour environ 35$, donc c'est un très bon prix. Sinon, si on est plus rétro, mais on s'ennuie d'avoir des nouveaux jeux, Broforce, qui est un peu à la style Contra, mais un peu plus intense côté dynamisme et absurdité. C'est vraiment un jeu intéressant. Puis, lorsque vous n'êtes pas intéressé aux jeux vidéo, ou plutôt vous voulez avoir une vie sociale, moi, j'irais peut-être avec le jeu Mascarade. Donc, un jeu de cartes qu'on peut jouer avec quelques bières, mais pas trop, parce que dès qu'on commence à perdre le fil, on suit plus le jeu du tout. Mais c'est le concept comme de quoi qu'on a chacun une carte, puis on doit deviner ce que les autres ont, mais on ne sait pas c'est quoi la carte que nous, on a. Donc, c'est à peu près ça. Ah, quand même! Sinon, moi, à mon niveau, au niveau de Puissance Nano, Andrew, qu'est-ce que je vous recommande? En fait... Je me mords un peu les doigts de dire ça après avoir passé 2 ans à cracher dessus, là, mais je vous dirais que Watch Dogs 2 peut quand même être très très intéressant en frais de jeu. J'ai commencé à y jouer quand même pas pire ces temps-ci. En fait, je me l'ai acheté. Je vais juste faire une parenthèse de même parce que j'ai pas eu l'occasion de faire une critique à l'émission. Autant que Ubisoft sont plus capables d'optimiser leur jeu à leur sortie, que c'est glitché à zèle, puis que c'est généralement fade et sans saveur, Watch Dogs 2 ont réussi à faire qu'est-ce que Watch Dogs 1 aurait dû être. En fait, à 50%. À Watch Dogs 1, il y avait une histoire intéressante et un personnage principal qu'on pouvait s'attacher. Mais une mécanique et un jeu de marde. Et là, on est rendu avec Watch Dogs 2 avec une mécanique intéressante, un jeu qui se joue vraiment bien, un niveau technique vraiment impressionnant. Le jeu sur PC avec le High Resolution Pack, c'est d'une beauté incroyable. Ça roule fluide à fond. Mais maudit que les héros sont poches. Tu joues, tu peux ils ont pas. Dû importer le 1 en termes de. Il aurait fallu qu'ils mélangent les deux. Mais là, tout ça pour dire que je dois lever mon chapeau. Pour une fois, Ubisoft ont quand même réussi à faire une bonne pierre. Mais là, je pense qu'ils commencent à se réveiller. Alors, ça va pas très bien dans leur shop, là, cet ensuite. Là. Fait que là, je pense qu'ils commencent à se réveiller. Watch Dogs 2 a quand même eu un succès pas si pire. Il est mieux que le premier. For Honor, à date, il fait quand même bien parler de lui dans un bon sens. J'ai essayé la version alpha. J'avais eu un code que je peux pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas le droit, mais je peux dire que pour une alpha, ça roulait bien, très bien. J'ai vu aussi les bêtas, ça roulait bien. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a un wake-up call qui s'est fait quelque part. Mais je veux pas parler à travers mon chapeau. Mais si c'est vrai, tant mieux. Fait que là, imaginez-vous, ça fait se voir à peu près 2 ans et demi là, qu'on crache sur Ubisoft à l'émission. Et dans l'émission de Noël, suggestion cadeau, je vous dis achetez Watch Dogs 2. En tout cas, il y a des choses qui s'expliquent pas dans la vie. C'est comme le Yeti. Ben, regarde, ça fait plus de 12 ans que je crache sur Ubisoft. Là, que c'est pas demain matin que je vais recommander un jeu. Mais non, mais j'en ai peut-être tenté peut-être Watch Dogs 2. Ben, il m'a agréablement surpris. Oui. Pour, sérieusement, je vais le dire, je me le cacherai pas à base, je l'ai piraté à base pour l'essayer. Mais on parle souvent à l'émission du principe du concept de piratage responsable. Ouais. Que, mettons, tu pirates un jeu puis tu l'apprécies de l'acheter à un moment ou un autre. Donc, je l'ai apprécié, donc j'ai fini par acheter le jeu. Oui. Mais ça a été une grosse surprise, en fait. Parce que Watch Dogs 1, quand il est sorti, on a été tout bonnement incapable de jouer parce qu'il a tellement été mal optimisé, ce jeu-là, que je trouvais ça incroyable. Assassin's Creed, j'ai arrêté de jouer depuis un bon moment parce que c'est réchauffé à chaque fois. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme de la marde. J'ai arrêté de jouer. Là, ils ont fini par mettre la série en pause. Far Cry, ils commençaient à étirer la sauce. Ils ont essayé de sortir Far Cry Primal qui n'a pas encore trop changé. Il n'y a pas eu tant de succès que ça. Ils ont mis la franchise en pause. Fait que là, Ubisoft, ils ont de l'air de commencer à catcher des affaires. ils ont commencé à se dire comme crime, les ventes vont pas si bien que ça. Non, c'est pour ça qu'ils font du dumping avec la source. Ouais, peut-être. Mais tout ça pour dire que Watch Dogs 2 m'a impressionné. Ben, OK, dans ce cas-là, achetez la console PS4 chez la source parce qu'ils vous offrent le Watch Dogs 2 gratuitement. Comme ça, vous pouvez. Ils essayent de faire des grosses promos là-dessus. Là. Mais comme je disais. Il m'a impressionné. Bon. J'avais pas d'attente. Okay. J'ai joué, puis j'ai été surpris. Puis cette semaine, sur Uplay, j'ai vu qu'il y avait 33% de rabais dessus. Puis j'ai fait comme, ah, crème, pour les cakebox, là, je vais sauver. Je vais l'avoir. T'sais, fait que j'ai fait comme go. Puis je l'ai acheté. Fait que pour que j'aille acheter un jeu Ubisoft, quand même à bon prix, là, ben c'est que je l'ai quand même apprécié. Fait que c'est pour vous donner une idée. Comment dire, tu t'es pas lancé de l'eau bénite là pour... Non, c'est ça. Puis j'ai pas commencé à me flageller pour me pardonner de l'avoir fait là. J'ai été quand même agréablement surpris. Sinon, si vous êtes du genre à jouer avec votre copine ou encore que vous êtes une gang d'amis, un jeu que j'avais été mitigé, que j'ai recommencé à jouer intensément, c'est Overwatch. Quand j'avais commencé à jouer à Overwatch, j'étais mi-chaud, mi-froid. J'appréciais le jeu. Oh, OK, merci. Faut que je vais le mentionner après. Ça va être un cadeau pour Mike, ça. Je vais le dire spécifiquement. Il n'y a pas d'Apple, mais on va se délire de quoi. Mais bon, tout ça pour dire que Overwatch, quand j'en avais parlé, j'avais dit jeu intéressant, bon, un petit joueur compétitif, mais il m'avait laissé mi-chaud, mi-froid parce que j'avais pas tant d'amis que ça qui jouaient au jeu. Puis moi, jouer avec des parfaits étrangers, ça me faisait un peu suer. Surtout que je suis pas très bon à Overwatch, pour être bien franc. Fait que ça m'avait laissé mi-chaud, mi-froid. Là, finalement, j'ai fini par rejouer dernièrement, comme il a redonné une chance. En fait, c'est Sombra, le nouveau personnage, il m'a dit « Ah, lui, ça a l'air d'être un personnage que je vais aimer. » Finalement, je la déteste. J'aime pas jouer avec. Mais ça m'a permis de jouer avec d'autres personnages que j'avais une certaine affinité puis que j'avais pas approfondi. Fait que maintenant, je suis rendu que je suis très bon avec D.Va. Pour une raison que j'ignore, mais en tout cas, je suis rendu bon avec, puis Soldier 76. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai recommencé à jouer, j'ai passé d'un level 4 à level 11 en 3 jours. Fait que tout ça pour dire que j'ai recommencé à jouer, fait que j'apprécie le jeu. Puis si vous avez une gang qui avait soit le jeu ou qui ne l'avait pas, puis que ça intéresse, ben ça vaut la peine de... Surtout que le jeu, il est 40$. C'est pas si pire que ça. Puis, en plus, Blizzard, c'est comme leur nouveau hype, là, cet ancêtre, Overwatch. Là. Fait qu'il y a souvent des mises à jour, il y a des mods. Puis, sérieusement, là, on embarque assez facilement dans le système de lootbox. C'est à cause que quand tu montes de niveau, ils te donnent un lootbox. Puis là-dedans, tu peux débloquer des tags, des emotes, des skins pour les personnages. Et tu peux en acheter. Je me suis fait surprendre à en acheter des maudits lootbox parce que je me disais comme crime, je veux cette skin-là. Mais t'es tout ça pour dire que c'est addictif. Le jeu, il est bien fait, il est bien balancé. Il est quand même le fun. Puis c'est un jeu qu'on est capable d'embarquer, dropper une game vite, puis s'en aller. Les games se font quand même assez vite. Là. Fait que c'est quand même très intéressant. Fait que si, exemple, vous voulez acheter absolument un jeu Blizzard à quelqu'un, là, achetez pas World of Warcraft, premièrement. Laissez ça mourir, bon Dieu, parce que je veux avoir un vrai jeu Warcraft. Là. Fait que laissez World of Warcraft mourir. Arrêtez d'encourager ça. Diablo 3, il est pas bon. Fait que, il est excellent. Non, il est pas bon. Sur PS4, il est excellent en multi. En fait, il est supérieur en version console que PC. OK, mais je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu joues à Diablo 3 parce que ton trip, c'est de grinder du stock ou parce que tu as trippé sur l'histoire? C'est pas, l'histoire a jamais été le fort point fort des Diablo. Ben, Diablo 2, il avait une très bonne histoire. C'est d'abord et avant tout un hack and slash pur. Oui, dans le top, oui, non, je suis d'accord avec ça. Mais les maps sont petites dans Diablo 3. Il y a pas de lore, il y a rien. J'ai acheté le jeu à plusieurs reprises, OK? Je suis très fan de Diablo 3. Je l'ai sur PC, je l'ai eu sur PS3, je l'ai sur PS4. Et je peux te dire, la version console en particulier est vraiment réussie. La version PC, c'est bon, j'aime bien, mais c'est vraiment sur console que ça brille. En tout cas, moi j'ai pas aimé Diablo 3, mais bon, si vous êtes comme Sarah et que vous avez aimé... Mais ça joue à deux, c'est le fun. Oui, mais achetez pas la version Reapers of Souls sur PS3, la console PS3 a de la difficulté à le runner. J'ai joué le jeu, je l'ai acheté, j'ai fait le story avec chacun des personnages, c'est tout. Puis les seasons, toute cette affaire-là, j'embarque pas là-dedans, je trouve ça plate. On joue même pas en ligne avec d'autres. On joue entre nous autres, à deux, en coop sur PS4. Et on a vraiment du fun avec les missions, juste comme ça pour le fun. Mais c'est ça, mais j'embarque pas dans cette gimmick-là. T'sais, comme moi, mettons, je rejoue à Diablo 2, là. J'en fais le story en coop avec mes amis, puis that's it, je me build un bonhomme de A à Z là-dessus. J'ai plein de RPG puis avec des histoires profondes. Diablo 3... C'est pas grave que Diablo 3 soit pas une histoire profonde. Je m'en fous. Moi, j'aime juste le côté hack and slash. Bon, on est des fans de hack and slash pour ça. Donc, ben, on va dans le tas. Ben, moi, dans ce temps-là, je joue à Dynasty Warrior. Mais bon. Ouais, ben, c'est dans Dynasty Warrior. Mais t'sais, c'est juste que Diablo 3, je trouve que... T'sais, d'un point de vue mécanique, je suis d'accord. Là. T'sais, d'un point de vue mécanique du jeu, t'en retrouves le feeling classique du Diablo, puis il est très bien monté. Là. J'ai rien contre ça. Mais il m'a pas laissé une expérience mémorable. T'sais, contrairement à Diablo 2, que j'y rejoue encore aujourd'hui. Là. T'sais, je l'ai le jeu, j'y rejoue. Il a fait une nouveauté aussi. Puis là, hein. Diablo 3, j'ai. Regarde. Je l'ai fait. Combien de temps que Diablo 2 est sur le marché? Beaucoup trop longtemps. Puis ça se vend encore en magasin. Oui, le Battle Chess existe encore, puis ils l'ont même patché pour qu'il marche sur Windows 10. Oui, exactement. Puis c'est juste parce que c'est l'effet de nouveauté, il n'est plus là. Le Diablo 2, quand ça sortit, ça a été fait une bombe. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui l'achètent encore parce qu'ils veulent retrouver Le Diablo 2 qui avait c'est vrai qu'à l'origine, Blizzard avait un peu mal parti sur Diablo 3. Et c'est certain que sur PC, le fait de la connectivité en tout temps, même en mode solo, c'est exagéré. Mais sur comme j'ai dit, il est optimisé sur console. Et c'est un fait. Si l'as-tu essayé sur PS4 ou... Non, j'ai pas essayé sur console. OK. Sur console, c'est une toute autre chose. Il est vraiment optimisé pour les manettes. Puis il est mieux réussi. Et t'es pas obligé d'être connecté en ligne pour jouer. Ben, tant mieux, mais. En tout cas, je l'ai fait, puis j'ai pas envie de le revisiter. Oh non, mais si jamais t'as la chance de le réessayer, oh oui, non, je l'essayerai. Oublie PS3, c'est. Par contre, oui, on s'entend que quand t'as une PS4 puis t'as le choix entre les deux versions, tu prends la version plus récente. C'est clair. C'est un des deux jeux que j'ai dû faire un upgrade de PS3 à PS4 pour des raisons techniques. Celui-là et l'autre étant Dragon Age Inquisition, qui aussi, sur PS3, roulait vraiment mal. PS4. C'est le jour et la nuit, puis j'ai enfin embarqué dans le jeu. Sinon, en tant que tel, au niveau des ben, comme je disais, sinon, il y a eu le Battle Chess de StarCraft 2 aussi qui est sorti. Moi, j'étais un très grand fan de StarCraft. J'ai adoré StarCraft 2. Fait que si vous avez un fan de RTS, allez-y. Puis comme je disais, Overwatch, c'est un must, là. Si vous aimez les first-person shooters compétitifs en ligne, c'est un must. C'est une très belle réussite que Blizzard ont faite à ce niveau-là. Sinon, si vous êtes comme moi, fan de Battlefield, Battlefield 1 est un must également. Là. C'est un des excellents Battlefield qui ont sorti depuis un bon moment. Oubliez Call of Duty Advanced Warfare. Oubliez-le. Oubliez. Premièrement, achetez pas Call of Duty. Là. Arrêtez, en fait. L'expression, c'est arrêter de l'acheter. Ça va continuer encore. Il y a des gens qui vont l'acheter quand même. Vous voyez qu'est-ce qu'on parlait d'Ubisoft tantôt. Là. Faites la même chose avec Activision. Ils vont peut-être comprendre de quoi. Ouais. Je dis bien peut-être. Si on considère qu'il a fallu que les ventes des Sim 4 soient catastrophiques pour que EA commence à faire de quoi qu'il y a de l'allure. Là. C'est... Il faudrait qu'ils retrouvent un petit peu... je fais juste une petite parenthèse avec Activision et Electronic Arts. On est vraiment justement des jeux... Des gens qui avaient marre de... Tu sais, Activision, là, c'est des gens qui ont quitté Atari puis sont allés faire une autre compagnie. Mais peut-être de remettre une petite plaquette, là, ou une plaque, là, sur à l'entrée là, d'Activision pour dire, voici, c'est quoi notre histoire en deux, trois lignes, là. Juste pour leur rappeler un peu c'était quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont quitter Activision pour c'est justement cette merde-là pour partir à une autre compagnie pour faire d'autres choses. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais... C'est ça. Ils ont un petit manque là-dessus. Là. Mais EA, ça, le pire dans ça, c'est qu'EA sont moins pires que bien des années. Tu sais, comme quand ils ont sorti les Sim 4, justement, ils s'est moins bien vendu au niveau des autres Sims. Puis ils ont été voir les forums. Puis ils ont pris en compte un peu ce que le monde disait. Puis d'ailleurs, quand tu regardes les Sim 4, EA est beaucoup moins agressif sur les items packs. Ils ont fait beaucoup de mises à jour gratuites pour rajouter du stock justement dans le jeu parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes là-dessus. C'est sûr que par la bande, c'est un peu poche parce qu'ils ont fermé Maxis Studios là, ouais, par la bande. Là. Ouais. Mais en même temps, Maxis, ça marchait pas super bien non plus. Ils ont fait un reboot de SimCity catastrophique. Sim 4, ça... T'sais, disons que c'est malheureusement, ça a passé dans le cutter. Là. Mais EA a pris le temps quand même, d'aller regarder qu'est-ce que les joueurs disaient, tandis que, voilà une certaine époque, ils auraient juste fait comme, moi, l'argent rentré, fuck off, t'sais, on s'en fout. Là. Fait que c'est quand même pas si pire. Là. Mais t'sais, comme on dit souvent à l'émission, acheter, c'est voter, puis ça marche. T'sais, on le voit, là. Ubisoft, ils réagissent de certaines façons depuis que les ventes baissent. Ils ont réagi d'une façon depuis que les ventes baissent. Fait que, la morale, arrêtez d'acheter Call of Duty. T'sais, on divague, arrête. Ça mène tout à ça. Non, mais il y a une époque où c'était bon, Call of Duty, c'est ça l'affaire. Tu sais, Call of Duty 1, 2 et 3, là, c'était hot, là, c'était merveilleux comme jeu. Là. Je peux pas parler, je vais pas jouer. Ouais. OK, ben tu sais, c'est à l'époque que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ouais. Puis tu sais, c'était quelque chose. Là, c'était les premières fois où tu avais des scènes scriptées comme Call of Duty, ont la grosse signature. Puis tu sais, c'était hot. Là, le débarquement de Normandie de Call of Duty 2, là, c'était des scènes mémorables. De Call of Duty, puis tu sais, j'ai encore les frissons à y penser. Là. Mais ils ont comme continué de servir la même chose. Puis le jeu a évolué. C'est plus juste, t'as une petite séance de jeu avec un gameplay basique et je te garoche une poche de magie d'en face. pour que ça, c'est la cinématique, là, pour vous dire, puis que ça soit scripté. Et les jeux sont de plus en plus interactifs. C'est de plus en plus du in-game. C'est de plus en plus de l'interaction. Tu regardes, exemple, Witcher 3. Jeu magnifique en open world fait par CD Projekt Red. Puis, tu sais, il n'y a pas plein de sparkle dans les cinématiques. Là. C'est très terre-à-terre, là, les cinématiques, parce que les moments épiques, tu les vis en plein contrôle de ton personnage. Mais en Call of Duty, c'est pas ça. Les moments épiques, du jeu, c'est du scripté. C'est au pire aller, c'est un real gun shooting. Tu as une trajectoire déterminée en jeep. C'est hot, ça en jette tout plein. C'est hyper Hollywood, là. Mais c'est pas toi qui contrôle. Tu fais juste tirer des choses. C'est un peu poche. Ah. Puis c'est ça le problème. Call of Duty, ils se sont jamais renouvelés. Ah, oh, c'est vrai, excuse. C'est pas vrai. Il y a une fois où Call of Duty, leur gros cheval de bataille pour se dire que c'était renouvelé, c'est qu'il y avait un chien dans le jeu. Ah oui, je me suis. T'es le compagnon. Le chien est tellement intelligent. Nanana. Hey, Fable 1 qui est sorti genre 7 ans avant avait un chien. Fuck you, là. T'es, c'est genre. Ça, c'est sans compter Fallout 1 sur PC. Mm-hmm. Dogmeat. Mm-hmm. Fait que t'es, c'est comme. Fais-moi pas chier avec ton innovation en disant que t'as un chien intelligent. Là, premièrement, ton chien, il est cave comme un balai. Puis les choses qui sont cool avec, c'est scripté. Fait que va chier. C'est un peu le principe, là. T'es. Fait que c'est pour ça que je dis arrêtez d'acheter Call of Duty. On va arrêter de divaguer là-dessus. Ouais, sinon, autre chose qui peut être très intéressant, venant que vous avez des amis qui vont dans les festivals, ben je vous annonce que j'ai animé fini leur vente précommande le 31. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est plate parce que tu sais, vous avez rien de concret à donner à part une enveloppe. Mais tu sais, venant que vous avez quelqu'un qui est bien fan de ces conventions-là, qui ça ne dérange pas de descendre à Gatineau, ben. Ça reste que j'ai animé dans le convention Fanbase. C'est une des conventions qui est la plus intéressante, à mon avis. Là. C'est pas parce que je fais 6 heures de panel là-bas que je dis ça. Là. D'ailleurs, je fais 6 heures de panel là-bas. Fait que si vous voulez venir me voir mourir de l'intérieur. Mais bon, tout ça pour dire que ça reste que j'ai animé, à mon opinion. C'est un des festivals que les invités les plus intéressants, à mon opinion. Pas à chaque année, là, mais t'es, y a des, c'est celui-là où généralement j'ai été le plus content d'y aller pour rencontrer les invités. Les panels, je dois dire que c'est les panels les plus instructifs généralement aussi. Ils essayent de garder un certain ratio pour pas que tu aies 42 panels sur comment faire une couture sur une jupe. Il y en a quelques-uns sur les cosplays, mais il y a beaucoup de podcasteurs, les médias, des invités d'industrie, des choses comme ça, qui font des panels, des conférences sur différents sujets très intéressants. D'ailleurs, de mémoire, je me rappelle des trois sujets que je vais parler, si vous voulez les savoir. je vais parler de No Man's Sky, mais pas juste No Man's Sky, qui s'appelle No Man's Sky, un mensonge, point d'interrogation, où je vais parler en fait des développeurs, des créateurs de jeux vidéo, quand ils s'en vont devant les caméras, à quel point que c'est pas des bons communicateurs. Par simple principe que normalement, t'as un représentant qui vient présenter un produit, mais quand tu mets le créateur du jeu en avant, ben, s'il y a personne pour lui dire « femme ta gueule », ben, il a tendance à divaguer un petit peu et dire la pensée finale de son jeu, alors que c'est pas réalisable. Et ici, je fais référence à Peter Molyneux aussi, qui était un expert là-dessus. À l'émission, j'ai toujours aimé dire à quel point jamais je détestais Peter Molyneux en même temps. Donc, No Man's Sky, c'est à peu près le même syndrome qui s'est passé. Donc, on va parler de ça pendant une heure. On va se bidonner de conférences du E3 de Peter Molyneux. J'ai retrouvé les vieilles conférences sur YouTube. Je vais les ripper puis je vais mettre les moments clés. Ça va être magique. On va se faire du fun. Ça va être incroyable. Sinon, un autre panel que je vais parler, c'est aussi la fin des grands créateurs dans les studios AAA. Ici, je fais référence aussi à qu'est-ce qui s'est passé entre Konami et Hideo Kojima. En fait, c'est que si vous n'avez pas remarqué, il y a un exil de ces grands créateurs vers l'indépendant, à l'exception de Shigeru Miyamoto, que Nintendo, ben, ils s'en débarrasseront jamais. Il va mourir pour cette compagnie-là, Shigeru Miyamoto. Mais on remarque que les grands créateurs s'en vont de plus en plus vers le studio indépendant, comme un exemple, j'ai oublié son nom, mais il y a le créateur de Mega Man qui a fait le Trinity No. 9. Et il y a aussi également le créateur de Castlevania, qui a son propre jeu qui a été fait sur Kickstarter, que j'ai un blanc parce que j'ai pas mes notes devant moi. Et il y a ça, donc deuxième panel. Et la troisième conférence, ben, c'est quoi puissance maximale? Donc, parce que c'est un classique, c'est facile, on peut le faire pendant une heure. C'est quoi puissance maximale? C'est une web radio, mon ami, que présentement, on est en avant de diffuser dessus, qui existe depuis bientôt 10 ans, qui parle de tout ce qui est geek dans le sens large du terme. Donc, ça peut être sécurité informatique, ça peut être jeux de plateau, jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, de la musique. On a déjà eu aussi des panels sur la culture japonaise et bien évidemment la bière, parce que la bière fait partie de la culture geek, veut pas. Ça répond à ma question, je pense. Ouais. Ben, j'ai-tu ça pendant une heure de temps? Non, généralement, c'est le dernier panel qu'ils mettent le dimanche, puis on a personne, généralement. Fait que on s'assoit sur une chaise, on se met les pieds sur la table, puis on chill, là. Puis il y a une personne qui rentre, puis on dit, tu sais quoi? Puis il fait non, puis il parle. Puis finalement, on finit par parler de n'importe quoi. Mais bref, c'est le petit panel détente où vous pouvez venir me parler, me poser des questions sur tout, en fait. Mais en fait, aussi, je veux. Il y a beaucoup de questions, le monde qui sont curieux. On est rendu une web radio avec des permis légaux pour le faire. Puis on se fait souvent poser des questions sur comment qu'on a passé d'un podcast d'une radio communautaire à une web radio avec le droit de passer de la musique. Sauf si on est sur des serveurs américains et on a une plainte de Sony Music. Ça, c'est ma colère. Mais bon, tout ça pour dire que si vous avez des questions sur c'est quoi le processus et toutes ces choses-là, ben on va répondre à la question. Problème technique surtout aussi. Non, ben ça, c'est la joie du direct, ça. Ouais, c'est ça. T'en remarqueras que mes podcasteurs qui font du pré-enregistré, ils ont jamais de problème, eux autres. Parce qu'on a le produit final. Ben, c'est ça. Et dernière chose, en fait, pour ma part, après ça, je vais vous donner une idée cadeau pour Mickaël, si vous voulez lui faire plaisir. Mickaël Michaud, ancien animateur de Puissance Maximale. Tout ça pour dire que si vous avez des fans de comic book, moi, personnellement, j'ai deux gros coups de cœur ces temps-ci que j'ai depuis au moins deux ans, parce que j'en parle à chaque année. La série de comic book de Teenage Mutant Ninja Turtle de IDW, elle est excellente. Je vous la recommande à 100%. Il y a plein de petits hors-séries sur les vilains. C'est merveilleux. Puis j'ai même acheté, lors du Comic-Con de Québec, le crossover Batman et les Tortues Ninja. Écoute, c'est merveilleux, c'est vraiment mauvais en fait, mais c'est tellement mauvais que ça en est bon. Puis l'image finale, c'est pas un spoiler, c'est Batman qui mange la pizza avec les Tortues Ninja. Regarde, c'est merveilleux là. Bon, merci, j'aurais pas besoin de l'acheter. Non mais sérieusement, je l'ai lu, c'est vraiment pénible à lire là, parce que tu fais comme ouh, la fusion forcée là, parce que c'est genre, t'sais, c'est comme t'as Shredder, ok, puis les Foot Clan Ninja qui sont à Gotham pour aller voler des affaires à la Wayne Industries. Fait que là, Batman, il pète la gueule à tout le monde, mais genre littéralement. Puis là, t'as les Tortues Ninja qui suivaient le Foot Clan, qui arrivent là après coup. Fait que là, Batman, il fait « Ah, ben c'est eux autres les hosties qui veulent voler mes affaires. » Fait que là, ils se battent entre eux autres. Jusqu'à temps que Batman fasse « Ah, ben, ils sont mes amis! » Puis là, j'ai fait comme, « OK, t'es pas supposé être un détective, toi. » Premièrement, si tu t'es battu contre Shredder puis le Foot Clan, si on se fie à la moyenne de tes BD, tu devais bien t'en douter qu'il y a quatre tortues mutantes puis un rat qui allait débarquer dans ta ville. Ça de même! Mais en tout cas, okay. Fait que, t'sais, ils se battent ensemble, puis à un moment donné, ils finissent par dire, « Non, notre ennemi commun, c'est Shredder qui s'est allié avec le Joker. » Parce que, bref. Ok, je vois. Mais ça cause que t'es finalement, c'est que tu le lis, puis tu fais comme, finalement, ils vont faire quoi? T'sais, genre, ils ont arrêté un plan, mais tu sais pas c'était quoi. Puis tout ça pour dire que Batman fait comme, ah, le travail d'équipe, c'était merveilleux, manger de la pizza. Puis j'étais comme, quoi? Parce que, bref, pour le principe de collection, je le lis, mais c'est vraiment mauvais. Mais bon, tout ça pour dire que la série Tortue Ninja, c'est un must. À l'exception du livre que je viens de parler, mais si vous avez un collectionneur, achetez-le. Mais tout ça pour dire que c'est très hot. Sinon, ben avec Rogue One, qui est au cinéma, là, t'es pour Star Wars Rogue One, la série Vader, faite par Marvel depuis que ça a été racheté, c'est très bon. Personnellement, je suis vendu. Et particulièrement, j'aime beaucoup le hors-série, le one-shoot, là, devant la côte, la personne n'a pas embarqué. C'est comme un hors-série qui s'appelle Vader Goes Down. Écoute, Dark Vader qui tue des centaines de rebelles comme si c'était rien, moi ça. Je suis sans mots. Non, c'est excellent. Puis le dessin est très très cool. Fait que je vous le recommande grandement. Si vous êtes de la région de Québec, je vous le recommande d'aller chercher à la librairie Première Issue. Parce que c'est nos grands amis et on les aime beaucoup. Puis ils sont tellement fins que depuis que j'ai déménagé de Québec, ben ils m'envoient mes comic books par la poste chez nous. Parce que j'ai fait comme je veux pas perdre mon magasin. Fait que bref, ils m'envoient ça par la poste. Fait que je suis très content. Fait que même si vous êtes de la région ici, allez scouter les magasins et puis commander la première issue. Non, en fait, Sako, c'est un des plus vieux magasins de comic book de la province de Québec, en fait. Et c'est un papa et son enfant qui ont ça. Puis ils sont vraiment, vraiment cool. Fait que si vous voulez les encourager, on les aime beaucoup à Puissance Maximale. Fait que je vous en recommande de les encourager. C'est sûr que si vous avez votre magasin de comic book dans le coin que vous voulez encourager, c'est quand même bien d'encourager l'économie locale aussi. Mais si vous n'avez pas de magasin attitré ou de favoritisme, écoute, des comic books à ta porte. Ouais, tu peux pas voir mieux, là, t'es. Fait que bref, première issue. Premièreissue.com. Librairiepremièreissue.com. En tout cas, bref. Googlez première issue, vous allez le trouver. Bon, voilà. Et sinon, si vous voulez faire plaisir là, énormément à Mickaël, là c'est un peu plate parce que là il y a une gratuité sur le App Store actuellement, là cette semaine, puis il n'y a pas de produit à Apple. Mais bon, pour le prix qu'il coûte sur Steam en général, là, pour le là vite, là, achetez Goat Simulator, Mike. Son ID Steam, c'est Neoxu. N-E-O-X-U. Achetez-le, envoyez-lui-le, puis s'il refuse, persistez. Anyway, envoyez-moi-le pas à moi, je l'ai déjà, anyway. Et si vous ne l'avez pas, d'ailleurs, ça peut être un très bon jeu. C'est très drôle, en fait. Si vous voulez un jeu vraiment buggé volontairement et qui est n'importe quoi, Goat Simulator, c'est un most. Écoute, une chèvre qui a une langue que ça colle, ça peut juste être merveilleux. Là. T'as un auto qui roule, tu liches le char, t'accroches après. C'est beau, là. C'est beau. Puis le dernier DLC qu'ils ont sorti, c'est Goat in Space. As-tu besoin d'être plus explicite que ça, là? Il faut que vous alliez dans l'espace faire des missions en tant que chèvre pour ramasser des fonds sur Kickstarter pour construire la Station Spatiale Internationale. Voyons. Puis ça, c'est sans compter que Go dit que t'es une chèvre dans un monde post-apocalyptique de zombies, là. Rien de moins. Puis c'est un jeu de survie, là. Il faut que vous survivez, là. Puis sinon, vous devenez une chèvre zombie, puis là, ça va pas bien. Et ça, c'est sans compter l'excellent Goat RPG, qui est un faux MMORPG de Goat Simulator. Si vous êtes grand fan de World of Warcraft, c'est 10 sur 10. Même look and feel. Identique. Puis vous pouvez jouer un micro-ondes. Oui, oui. Puis il crache des pizzas. Et c'est vrai, ben en fait, vous êtes sûrement encore là en train de m'écouter dire des niaiseries parce que vous voulez savoir qui a gagné le concours de Pink Vivi. Ben, il va falloir vous armer un peu de patience parce qu'il y a une étape qu'on doit faire. En fait, on n'a aucune idée qui a gagné. Non, c'est une blague. On est préparé. En fait, c'est juste parce qu'on vous fait languir. Ben, on va aller en pause musicale de deux chansons. Comme je vous dis, c'est pas pour aller chercher le gagnant, là. C'est vraiment juste pour vous faire patienter. Donc... on va y aller avec une petite toune à cause d'un jeu, d'ailleurs un jeu que vous pourriez avoir dans votre recommandation, d'ailleurs je viens d'avoir le flash, pas sur PC, Dishonored 2, sur console récente, si vous avez aimé le 1, c'est excellent le 2. Pourquoi pas sur PC? Parce que Bethesda l'ont programmé avec le cul sur PC et il n'est pas patchant encore, fait que ça vous tente pas de donner un cadeau quand la personne a juste le goût de casser son clavier en deux. Achetez-le sur console récente, Xbox One et PS4, il va avoir une meilleure expérience de jeu. Et je trouve ça bizarre de dire que le jeu roule mieux sur PS4 que PC parce qu'on connaît tous les déboires de Bethesda avec la PS4 et les produits Sony en général. Là. En tout cas, ça a l'air que c'est une chose qui arrive. Fait qu'on va y aller avec du sound, Miracle of Sound, la chanson qu'on fait pour Dishonored 2 qui est la toune Clockworks. Et on va aller avec ma deuxième toune de Noël qui est All I Want for Christmas Is You, mais la version métal ce coup-ci, non pas la version gamer. Le cover qui a été fait par Leo Moriaccioli. Donc, vous allez voir, ça garoche tout plein. Vous allez avoir une semi-croquante en entendant cette chanson-là. Et si vous êtes une fille, ben, hey, organisez-vous. Fait que tout ça pour dire qu'on s'en va en pause et on revient pour vous pour annoncer le gagnant du concours de Pink Vivi qui va venir tout nous énumérer ça par cœur qu'est-ce qu'il y a dans ce prix-là. Et on va annoncer le gagnant. Donc, on y va en pause sur les ondes de puissancemaximale.com et on revient avec Amour et Allégresse. And groans of the motors and the masts on the sovereign sea. Trinkets of shriek and bone, dank the tokens of the past come to trouble me. Out of time, I go running as you're running out of time. Storming forth, I return from the nothing. I am back to reclaim what's mine. Cast into darkest voids, ever waiting for the chime of the hand at two. Lots of a heart destroyed, circulating in the blind as they stand. Now I'm back to reclaim what's mine. Keep the clocks a-running, keep every hammer drumming, time will open the doors. Keep the clocks a-running, keep every hammer drumming, I'm coming back to the fore. Set the wheels, I'm coming back to the fore. Keep the clocks a-running, keep every hammer drumming, time will open the doors. Keep the clocks a running, keep every hammer drumming, I'm coming back to the fore. Set the wheels, I'm coming back to the fore. There's the whales all drifting over the shore. Set the wheels, I'm coming back to the Christmas. one thing I need. I don't care about a present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking here up on the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. All I want for Christmas is you. I won't even wish for snow, and I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. I won't even stay away to hear the magic reindeer clean, 'cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Bonjour, ici Luduc et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Nano après cette pause musicale des plus excellentes. Je vous l'avais dit, hein, que la toune All I Want for Christmas à garoche tout plein. Véro, elle a moins trippé, mais Catherine, elle a de l'air d'avoir bien aimé ça. Catherine, qui est l'étrangère, tantôt, qui était sur le divan, que je vais dire, hey Catherine! Hey! Parce que si vous ne saviez pas, on est une grosse gang là, chez Véronique. Et là, d'ailleurs, le concours de Pink Vivi. Ben c'est Véronique, en fait, Pink Vivi. Bonjour, Véro. Ça va bonjour. Bien? Ça va bien? Oui, ça va. Puis, t'es excitée? Oui, absolument. À part ton poil ne marche pas. Mon poil, ouais, ça, c'est une autre histoire. Non, non, ça, c'est l'excitation du concours. Non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Non, mais c'est l'excitation du concours. OK. On dira pas que t'as mis un trait de glace qui a fondu sur le rond, puis qu'en nettoyant le four, il y a de l'eau qui est en train d'être en dessous de la vitre, puis ça fait sauter le breaker. C'est pas ça qui est arrivé. On avait dit qu'on n'en parlait pas. Non, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est entre nous deux. Est-ce que tu vois des milliers de gens qui nous écoutent actuellement? Non, on est 6. Bon, voilà. Plus 2 demi-portions. Plus la vidéo va être diffusée. Ah, mais là, c'est à cause... Non, mais ils veulent couper ça. C'est à cause d'Éric, là, que t'es trahi, là. Moi, j'ai rien. Moi, t'as aucune preuve que je diffuse, là. OK. Mais bon, bref, tout ça pour dire... bref, de niaiserie. Hey, j'ai oublié quelque chose. Un frais de cadeau. Joking Hazard. On l'a fait tirer une copie. J'ai pas encore joué, mais tout le monde dit qu'il est excellent, le jeu. Okay. Fait que je vais me fier aux gens qui ont joué, acheter le jeu. C'est bon. Donnez-le pour cadeau. On va jouer tantôt. Ouais. Fait que voilà, donc là, c'est le moment de temps entendu. D'ailleurs, je pense que je vais mettre... C'est sûr qu'il faut que tu mettes ta petite musique de concours. Ben oui. Oui. Sinon, je vais... Régner l'excitation. Vous l'entendez pas? C'est ça qui est drôle. Un peu, je vais t'apprêter. Oh yeah! C'est le temps du concours! Wow, wow, wow. Le touchpad, frénétiquement vers le bas. OK, donc oui, donc concours qui a été tiré des jours à l'avance, surtout pas pendant la pause musicale. Et là, premièrement, on va faire un rappel. C'est quoi que les gens pouvaient gagner et c'est quoi qu'il fallait qu'ils fassent? En fait, ce qu'il y avait à gagner, je vais vous faire la liste. Et non, je m'en rappelle pas par cœur. Donc, il y avait un tapis de souris de Yoshi avec un signet portal. Il y avait une petite pochette à monnaie de Minion. Et puis là, ensuite, vous aviez deux porte-clés, un de Creeper et un autre de portal. Puis, vous aviez un gros macaron, un petit macaron. Ensuite, kit d'autocollant Mario Bros, une grande pochette pour les dés ou vos crayons avec une piranha pleine, un aimant de Chocobo, un Frihog qui est une pancarte pour recevoir des câlins avec Toad. Et puis, pour finir, vous aviez trois images en format 5-7, BB-8, Groot quand il est en version petite pousse, et puis il y avait Deadpool qui sacre une volée à Batman. Je suis désolée pour les fans de Batman. Non, mais anyway, Deadpool, il est tellement mieux. Ah, Écoute, c'est le seul qui est conscient qu'il est dans une BD. Il y a une longueur d'avance. C'est sûr. Donc, c'est le tout pour une valeur de 65$. Et puis, ceux qui sont tristes de ne pas avoir gagné, vous pouvez toujours me contacter s'il y a un item que vous vouliez absolument. Ou encore... Je suis allé auprès de Facebook, un algorithme beaucoup trop agressif sur les concours, là. Oui, bien, Facebook, maintenant, qui ne permet plus de partager ou taguer un ami. Donc, quand vous voyez des concours sur Facebook qui demandent ces deux choses-là, malheureusement, dans les règlements de Facebook, c'est plus permis, probablement, que la page qui les demande n'est juste pas au courant de ces deux règles-là que Facebook a instaurées. Mais c'est pas juste ça. Je parlais avec Christian Hamel, des informateurs, qui faisait un concours lui aussi. Depuis que ces clauses-là de concours ont été changées, les concours ont beaucoup moins de portée qu'avant. Oui, oui absolument. Un peu comme YouTube, qui a des algorithmes pour suggérer des choses, ben, on soupçonne bien gros qu'il y a des scans de posts. Et s'il y a des mots concours et des choses comme ça, on a une portée moins grande. Fait que, oui, on le soupçonne. On n'a pas de preuves, mais on le soupçonne. Ah, ça se voit. Tu sais, quand tu fais un concours et que tu fais juste un petit post banal pour dire « Ah, puissance nano, il y a une page Facebook, puis un logo, puis que genre le double de portée que ton concours, tu fais comme « il y a quelque chose qui marche pas. » C'est à ne rien comprendre, en fait. Ah, Facebook. Mais bon, tout ça pour dire qu'on a eu des participations, plusieurs d'ailleurs. Et il fallait répondre à une question qui était pour vous, que serait votre plus beau cadeau geek? Et... C'est une idée cadeau qui est un peu abstraite. Là, si vous commencez à faire vos rabat-joie puis faire comme pas un bien matériel. Écoutez, des cadeaux, des fois, c'est juste offrir du temps pour donner du temps libre à des gens. Et notre gagnant, que je vais te laisser dire le nom, mais je vais dire sa réponse en premier. Oui, ben juste pour dire tout le monde qu'on a eu des très belles réponses. Ça a été un plaisir de vous lire. Il y a juste un gagnant et roulement de tambour. C'est quelqu'un qu'on connaît, c'est... Ben, qu'on connaît. C'est quelqu'un qui écoute l'émission. C'est là, sûr, j'ai juste à vous dire, compte. On a des témoins ici. On a pigé au hasard. Et on s'est assuré que le post en question dans les commentaires répondait bien à la question. Exactement. Et la personne qui a répondu, je vais dire sa réponse comme je disais, c'est quelqu'un qui a répondu 12 heures de plus par jour où je pourrais me reposer et gamer. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas vraiment un cadeau, on peut pas donner 12 heures de plus à une journée. Mais vous savez, il y a des moyens de donner du temps à quelqu'un. T'sais, dans le cas que la personne en question, elle travaille, elle a des enfants ou des choses comme ça, ben, t'sais, vous pouvez y offrir, regarde, ton enfant, je vais le garder pendant la journée. Prends congé et fais ce que tu veux pendant une journée. Ou lui offrir des plats préparés, je vais papoter pour toi. Exactement. Donc, t'sais, il y a moyen de dire à quelqu'un, garde ton 12 heures de vie, là, t'as rien à faire. Pas de ménage, pas d'enfant, pas de bouffe. Tout est là. Tu peux t'asseoir dans ton fauteuil et puis faire ce que tu veux. Oui, parfois, c'est les plus beaux cadeaux. Donc, notre gagnant, c'est Pierre Courtemanche. Et oui, qui était la réponse numéro 28 ou 26. Donc, bravo, Pierre. Bref, le numéro qu'on avait pigé. C'est ça. On va te contacter pour savoir comment tu veux recevoir ton prix. Donc, félicitations, Pierre. Le tirage aléatoire a été fait sous la supervision de la firme André, Catherine, Sarah et Eric, donc, qui ont regardé et qui ont vu que ça a été fait en toute légalité sur le site random.org et que j'ai appuyé à peu près 82 fois sur le bouton avant de tomber sur un chiffre. Fait que voilà. Donc, félicitations Pierre, merci d'être auditeur depuis tant d'années à Puissance Maximale. On espère que tu es content d'avoir gagné ton prix, que tu vas soit en profiter en méthode égoïste et tout garder pour toi, ou soit que tu vas partager avec ta blonde, qui sait. Oui, ou l'offrir ou en cadeau. Ou ta fille, ou je sais pas, moi, t'es... Voyons, le petit poster de Deadpool avec Batman, là. C'est un poster, c'est ça? Oui, c'est une petite affiche. Tu sais, la tête, si t'aimes pas Deadpool, t'es peut-être un animateur de radio qui aimerait ça. On sait pas. On sait pas. Je sens de même. Mais non, je te laisse ton cadeau, Pierre. Malgré que si tu veux, je viens de te le mener à Lévis, c'est mon frais de transport. Non, ah, ben là, vous vous organiserez, là. C'est une blague. Mais bon, tout ça pour... Maintenant, tout le monde sait qu'il habite à Lévis. Bravo. Vous savez où aller taxer à cette heure. Non, mais tout ça pour dire que on est bien content pour toi. Donc, on espère que tu vas avoir bien du plaisir. Et sur ça, ben écoute, ça va faire 2 heures de show. Hein? Fait qu'il va falloir qu'on ferme ça un moment donné. Hein? Fait que sur ça, là, j'ai dit niaiserie de même. Là, maintenant, j'ai comme un blanc total sur ma fin d'émission. Donc, Puissance Nano, en fait, c'est une émission qui est animée par Andrew, qui est moi-même. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook en cherchant A-N-D espace R-O-U-X. Un clever jeu de mots entre ma couleur de cheveux et mon nom. Est-ce que je me trompe ou tu as une nouvelle page? Oui, bien en fait, il y a Puissance Nano qui est la page Puissance Nano. Hein? Mm-hmm. Brillant d'originalité. Et graphiste d'ailleurs. Excusez-moi, graphique. Le logo qui a été fait par Gabriel Drouin Graphisme, qu'on remercie énormément. D'ailleurs, si vous avez des contrats de graphisme, vous pouvez la contacter. Il y a aussi Véronique qui fait du graphisme. Mais elle est bien occupée, mais vous pouvez la contacter pareil. Mais tout ça pour dire que on les remercie, tout ça. Et vous avez également la page Facebook Les Productions Puissance Maximale, le site web puissancemaximale.com, que je sais que ça fait un an que je dis qu'il va s'en venir, mais mes vacances s'en viennent, ça va être réglé, vous comprendrez. Je travaille beaucoup. J'ai déménagé, puis j'ai un chat. Puis, mm-hmm. Vous savez tous... Le chat, c'est plus une bonne raison, là. Non, mais il est pas avec moi pour m'encourager. Ah, moi, je pensais qu'il était... Non, non, moi, mon chat, il ne nuit pas, moi, dans mon travail. Là. Quand je fais mes valises, il embarque pas dans ma valise. Là. Okay. Moi, il me regarde puis il fait « Go, va-t'en, je veux avoir le divan, moi, tout seul. » Tu sais, c'est ça qu'il fait, le chat. Moi, on a remarqué. Parce que, tu sais, tu comprendras que mon chat, c'est à cause que j'habite chez eux, c'est pas chez nous. T'sais, comme là, maintenant, je t'annonce que t'habites chez eux. Oui, on a remarqué. Mais bon, tout ça pour dire que... Si vous voulez être tenu informé de tous les événements, les festivals, les émissions, nanana... C'est la page où vous devez aller parce que puissance, les productions Puissance Maximale, c'est le hub central de tout. T'sais, vous avez nos pages individuelles, mais Puissance Maximale, c'est la place où vous avez tout. 17 Avenue des Pins, Informateur, Andrew, moi, Mike 3D, Popcorn, Kevin, Fuckers, nanana, peu importe. Tout est là-dessus. Vous allez sur les pages et en plus, c'est là que vous voyez les concours. Donc, si vous avez manqué le concours puis vous nous écoutez, ben c'est à quoi vous n'étiez pas sur la page Facebook. Il va en avoir d'autres. Jamais! C'était le dernier. Non, C'est correct, je vais en faire chez nous de bord. Non, mais c'est ça. Fait que t'es faux, vous aimiez la page. Et sinon, ben, normalement, le nano va être de retour mardi. Si je peux arrêter de tousser comme un cave. Parce que là, présentement, j'ai du sirop d'Equil puis des Halls. Fait que c'est pas si pire. J'ai réussi à faire une émission qui se tenait. Mais sinon, je suis pas capable. Fait que tout ça pour dire que, sur ce, comme d'habitude, merci d'avoir écouté l'émission. Je travaille fort pour pouvoir rétablir les podcasts. Trouver une solution là-dessus. On s'excuse. Et sur ce, ben, comme à notre habitude, j'ai pas préparé mon thème d'intro pour vous dire mon mot de la fin. Fait que je vais meubler en disant qu'on vous aime énormément, que vous êtes des énormes fans, on vous aime beaucoup et plein d'amour. Joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. Bon, voilà, fait que maintenant je suis prêt. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de jeu. Better get back up here. This is a song about a guy you might remember from high school. Or you might be this guy from high school, I don't know. My little harmonica.